disciples, c'est justement ceux qui ne sont pas Charlie qu'il faut repérer. Il faudra avoir son certificat de vaccination comme un laissez-passer pour être dans la société. Le président s'est prononcé pour un isolement contraint des malades du Covid. Contraint, on l'écoute. Je souhaite que le gouvernement et le Parlement prévoient les conditions pour s'assurer de l'isolement des personnes contaminées, y compris de manière plus contraignante. On peut imaginer que chaque individu accepte, volontairement ou sans le savoir, une puce en lui qui contiendrait toute une série d'informations sur lui. Tout d'un coup, on veut republier les textes antisémites de Céline. C'est un scandale. On est là encore. Alors qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez nous tuer? Bah, dites-le plutôt clairement. Bonjour à tous, chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Démocratie Participative, saison numéro 6, épisode numéro 6. Je procède au rappel traditionnel de notre émission. Vous pouvez nous contacter sur notre adresse email à Démocratie Participative en un seul mot, pas d'accent sur démocratie@protonmail.com. Je répète, Démocratie Participative en un seul mot, pas d'accent sur démocratie@protonmail.com. Je vous invite aussi à vous inscrire sur le forum Europe Écologie Les Brins pour pouvoir commenter les articles qui paraissent sur le site ou de discuter de différents sujets. Ça pourra vous être utile. Enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi vous inscrire sur le réseau social Gab, qui aujourd'hui est le dernier réseau social, efficace et ergonomique, qui ne censure pas. Donc, c'est un peu le dernier espace qu'on peut utiliser. À défaut d'utiliser Twitter, bien évidemment. Maintenant, je procède à la présentation des membres de notre émission. Je vais commencer avec Mickaël. Salut Mickaël, comment vas-tu Mickaël? Salut Gandalf, bonjour, je vais très bien. Bonjour à tous les membres de l'équipe et à tous nos auditeurs. J'accueille aussi notre ami Fulbert. Salut Fulbert. Bonjour Gandalf, bonjour à tous. Fulbert va bien, comme d'habitude, c'est dimanche. C'est dimanche, effectivement. Est aussi avec nous cette semaine Pierrot. Salut Pierrot, comment vas-tu Pierrot? Bonjour Gandalf, bonjour à tous. J'accueille également Alexis. Salut Alex. Salut Gandalf, salut tout le monde. Cette semaine aussi est avec nous Merlin. Salut Merlin. Salut à tous, pour une France 100% blanche et 0% mélanine. Oula, ambitieux, ambitieux, mais j'aime l'ambition. Et enfin, est avec nous Porovitch. Salut Poro, j'espère que tu vas bien. Salut, bonjour à tous, ça gaze. Ça gaze, mais ça gaze pas assez, ça gaze pas assez. Alors, avant de commencer l'émission en tant que telle, je voulais remercier nos donateurs, bien évidemment, sans lesquels tout ce que nous faisons ne serait pas possible. Hein. Premier don, bonjour. C'est Amadeus qui nous écrit « Je viens d'envoyer 0,5 Monero ADP, je trouve que cela fait partie de mon devoir. Pourquoi ? Parce que l'écoute de vos émissions fortifie notre esprit. Comme je suis d'origine allemande, permettez-moi de citer Schopenhauer. Penser avec un véritable grand esprit, cela en effet fortifie notre propre esprit, lui imprime un mouvement régulier, l'élan qui convient, c'est une action analogue à la main du maître d'écriture qui conduit celle de l'enfant. En revanche, penser avec des gens qui n'ont en vue que l'apparence, par conséquent la mystification du lecteur, cela gâte le cerveau dans la même mesure. Merci à toi Amadeus, et merci pour ce passage de Schopenhauer. Ton numéro 2, ça c'est le grand blanc à la chaussure brune. Bonjour à toute l'équipe, je vous ai fait un don de 0,36 Monero au titre du mois de février. Pourriez-vous m'en confirmer la bonne réception? Oui, ça sera fait. Merci pour tout ce que vous faites. De rien. De rien, grand blanc. Enfin, c'est Louis qui nous écrit ceci. Chers amis démocrates, je vous transmets avec joie ce premier don de 0,18 Monero qui me sert aussi de test à l'utilisation des crypto-monnaies. Un grand merci pour tous vos conseils qui nous seront fort utiles dans quelques temps. Amitié nationaliste. Oui, sur le forum se trouve une sous-section dédiée aux crypto-monnaies. Allez-y, posez vos questions, lisez les sujets, ça ne pourra que vous être utile. C'est un outil nouveau qui ne peut que vous servir, tout particulièrement Monero. J'en ai parlé, j'ai invité ceux qui le pourraient dans leur activité professionnelle à l'utiliser plutôt que d'utiliser le cash. C'est sûr que on est très loin de l'adoption générale, hein. c'est pas l'idée, mais compte tenu de ce qui s'annonce et dont j'ai parlé dans les émissions précédentes, se familiariser avec ce type d'outils est plus que recommandé. Voilà. Donc, mais vous pouvez, sur ELB, poser des questions sur ce sujet. Hein. Vous pouvez vous informer. Voilà. Et même, par ailleurs, même pas uniquement sur le forum, vous pouvez par vous-même trouver des chaînes sur YouTube qui en parlent, etc. Enfin, voilà. Familiarisez-vous avec ça. Alors, je vais commencer avec la rubrique numéro 1. Imposture sanitaire. Alors moi, j'ai quand même pas mal dit ça, et j'étais content de lire cet article dans la presse la plus autorisée, puisque c'est Varmatin qui cite ça. Je veux parler ici des morts classées Covid qui, en fait, n'ont jamais eu le Covid pour cause du décès. Parce que je suis absolument convaincu que les statistiques ont été manipulées, c'est même pas simplement une conviction, on peut le démontrer. Et cet article, justement, permet de créditer cette suspicion qui flottait quant aux chiffres qui étaient affichés par le gouvernement sur le nombre de morts du Covid en France. Le nombre de morts total. Alors, je vous lis cet article. La crise sanitaire complique les obsèques des personnes testées positives à la Covid-19. Que le virus soit ou non la cause du décès. Leurs proches dénoncent des situations inhumaines. Soins funéraires, toilettes mortuaires, présentation du corps, mise en bière, les règles ont évolué depuis le début de l'épidémie. Un décret paru au Journal officiel le 12 décembre précise les dernières dispositions. Les défunts atteints ou probablement atteints de la Covid-19 au moment de leur décès font l'objet d'une mise en bière immédiate, rappelle le décret. Le défunt ne peut donc pas faire l'objet d'une présentation en chambre funéraire. Les proches ne pourront revoir le défunt qu'à l'EHPAD ou l'hôpital avant son transport. Les soins de conservation sont interdits sur le corps des défunts probablement atteints de la Covid-19 ou au moment de leur décès, détaille le décret. Il s'agit des soins de thanatopraxie invasif de type embaumement consistant à prolonger la conservation du défunt et à lui rendre des traits apaisés lors de la présentation du corps. En revanche, une toilette mortuaire simple et l'habillement du défunt restent possibles, mais uniquement à condition qu'ils soient réalisés par des professionnels de santé ou des thanatopracteurs, précise le décret. Mais tous n'acceptent pas de le faire, reconnaît Brice Pinatel, directeur des agences de pompes funèbres Roblot de Nice Centre et Nice Ouest. Car selon les informations dont nous disposons, même décédées, les personnes positives au coronavirus sont toujours contagieuses, poursuit-il. Une décision très mal vécue par les familles, plongée dans l'incompréhension, d'autant plus que la non-présentation du corps complexifie le travail de deuil. Nous comprenons que cela est compliqué pour les familles qui ne peuvent plus voir leurs défunts. Les obsèques se tiennent avec peu de monde, peu de fleurs. Compatit Brice Pinatel, qui constate depuis mi-décembre une hausse de 20 à 30% de son activité, mais aspire à retrouver quelque chose de plus qualitatif, notamment dans la relation avec les familles et l'accompagnement des proches que l'urgence et la crise sanitaire ont bouleversé. J'ai l'impression que ma mère est partie comme un chien et qu'on nous vole son enterrement. Après la peine causée par le décès de sa mère âgée de 77 ans à l'hôpital de Nice, place à la colère pour Cathy, une Laurentine de 57 ans. Admise pour un cancer généralisé contre lequel elle luttait depuis 5 ans, la septuagénaire a contracté la Covid lors de son séjour sous une forme asymptomatique. Elle a pourtant été déclarée décédée du coronavirus, ce qui l'empêche d'avoir droit à une toilette funéraire et prive ses proches de lui dire au revoir une dernière fois avant sa crémation. À Noël, elle n'arrivait plus à se déplacer, elle a été hospitalisée à Pasteur. À son arrivée, un test PCR a été pratiqué, il était négatif. On l'a réhydratée. Pensant qu'il s'agissait d'une simple déshydratation, le médecin a décidé de ne pas la garder, se souvient Cathy. Malheureusement, son état reste préoccupant. Le 27 décembre, elle est admise à l'hôpital de Simiez. Après lui avoir fait des analyses, les médecins nous ont annoncé qu'elle avait des métastases au cerveau, qu'elle n'en avait plus que pour quelques jours, se souvient sa fille. Une semaine plus tard, elle semblait avoir repris du poil de la bête, puis on nous a annoncé qu'elle avait passé un test PCR et qu'il s'était révélé positif. Bien qu'asymptomatique, ma mère a rejoint l'unité Covid pour 7 jours d'isolement du 4 au 10 janvier. les visites ont été suspendues. Le virus pourrait avoir été contracté à l'hôpital puisqu'elle y était entrée avec un test négatif en poche. On a tout le temps porté le masque, on a fait très attention, les visites étaient limitées, énumère Cathy qui juge peu probable que sa mère ait été contaminée lors d'une visite de la famille. Le mardi 12, je suis retourné la voir. Le médecin m'a dit qu'il préférait la garder jusqu'à la fin de la semaine dans l'unité Covid et qu'un point sera fait dès le lundi 18 avec la possibilité qu'elle quitte cette unité. Dimanche 17, ma sœur se rend à l'hôpital pour lui rendre visite. On lui annonce que notre mère vient de décéder et que dans une heure, elle sera transférée en chambre froide à Pasteur et que nous ne pourrions plus la voir du tout. Mon neveu a insisté pour qu'il repousse le transfert pour me laisser le temps de venir, ce qui a été accepté. C'était un dimanche, il n'y avait personne. On ne nous a rien dit de plus, on était perdus. Le lendemain, le lundi, Cathy contacte les pompes funèbres. Son interlocuteur lui demande quelle est la cause du décès. J'ai répondu, j'espère qu'elle n'a pas été déclarée morte de la Covid. Il rentre dans la base de données et me confirme que c'est bien le cas, ce qui signifie qu'elle sera enterrée comme elle l'était, c'est-à-dire en chemise d'hôpital, sans toilette, et que le cercueil sera fermé sans que nous puissions lui dire au revoir une dernière fois. Ce n'est pas un enterrement digne. Comment être sûr que c'est bien ma mère qui sera dans le cercueil? Le fait qu'elle soit déclarée morte de la Covid nous vole son enterrement. Or, je suis certaine qu'elle n'est pas morte de la Covid. Mais même pour les gens qui meurent de la Covid, je trouve ça lamentable. Voilà. Alors, moi, c'est ce que j'ai dit dans l'émission à plusieurs reprises. J'ai dit, voilà, le dispositif est en place depuis le printemps dernier. Il n'y a aucun moyen de savoir, de confirmer l'identité de quelqu'un qui est déclaré mort du Covid. C'est-à-dire que les proches ne peuvent pas voir le corps, ne peuvent pas se faire une opinion, ne peuvent absolument plus interagir. Hein. Et ça, c'est pour ceux qui sont dits positifs au Covid. Mais même pour des gens qui, comme dans le cas qui nous intéresse, sont atteints de maladies incurables et en phase terminale, dont on sait l'issue très prochaine, même ces gens-là sont classés atteints du Covid et ont le traitement qui a été détaillé dans l'article. Alors maintenant, je vais vous solliciter tous. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Qu'est-ce que vous pensez de du fait qu'on classe mort du Covid des gens qui sont très, très évidemment morts de maladies pour lesquelles ils étaient suivis depuis des années? Oui. Petite chose rapidement, c'est qu'il y a des fonds qui sont accordés aux hôpitaux quand ils déclarent quelqu'un en Covid et quand ils déclarent quelqu'un aussi en mort Covid. Donc il y a aussi une logique pécuniaire, il y a évidemment la volonté de nous faire peur. Voilà. Il y a un intéressement, toi tu dis. Oui, alors c'est valable dans plusieurs pays, c'est valable aux États-Unis, Judini Covid, ça en a parlé, c'est pas la seule. En France, ça existe aussi, c'est-à-dire que oui, quand des hôpitaux affirment avoir des cas Covid, alors finalement ils ont des fonds supplémentaires. Bon, pour quand une personne décède, pour être sûr normalement en tout cas s'approcher de la sûreté de déterminer la cause principale de la mort, il faudrait faire une autopsie, mais on ne fait pas d'autopsie systématiquement sur les corps, loin s'en faut, ça aurait des couvrelles qui seraient beaucoup trop importants. Donc là, comme tu l'as expliqué, il y a des comorbidités, des gens qui sont malades de plein d'autres choses, et puis alors qu'ils aient ou pas reçu un test Covid, je pense que dans la plupart des cas il y a un test positif, mais on va déclarer mort du Covid, mais bon, sachant que le Covid, vous pouvez l'attraper à l'hôpital aussi, vous pouvez être, hospitalisé pour autre chose, et puis finalement contracter ce qu'on appelle les maladies nosocomiales, c'est-à-dire une maladie quand vous êtes à l'hôpital, et là, c'est une des raisons qui font que, oui, on manipule les chiffres. Bah déjà, il y a une... je tiens quand même à souligner ça, c'est le fait que c'est le caractère volontairement cumulatif du nombre de morts. C'est-à-dire qu'on est quand on est en... Le Covid est apparu en 2020, peut-être même en 2019 d'ailleurs. Comme tout virus, il a des cycles. D'ailleurs, il a des mutations. Mais on accumule le nombre de morts, peu importe le temps qui passe. Alors que les morts de la grippe saisonnière, il viendrait à personne de les accumuler. On dirait pas, rendez-vous compte, depuis 2017, il y a 70 000 personnes qui sont mortes de la grippe, c'est terrible, tu vois. ils font pas ça. C'est-à-dire que ça a vocation, on a vocation à avoir le compteur, le dénombre des décès sans limite de temps, si tu veux. Ça va continuer à s'accumuler comme ça, on va atteindre 100 000, 200 000, 300 000 et on va faire peur aux gens avec ça, même si entre-temps il s'est écoulé 4 ans. Tu vois ? Et ça, c'est une première façon de manipuler l'opinion. C'est une première façon de manipuler l'opinion. J'estime qu'il faudra remettre le compteur à zéro à chaque fois qu'il y a un cycle qui redémarre, tout simplement. Voilà. Déjà, d'une part. Deuxièmement, deuxième façon de manipuler l'opinion, c'est le fait qu'on n'enregistre plus officiellement en France depuis mars 2020 les décès de la grippe saisonnière. Le gouvernement a cessé de dénombrer le nombre de personnes qui décèdent de la grippe saisonnière depuis mars 2020. Où vont ces morts ? Bah, vous vous en doutez. Vous vous en doutez. C'est la porte ouverte à toutes les manipulations, puisqu'on peut comme ça décréter que quelqu'un est mort du Covid parce qu'il aurait des symptômes, etc. Hein, c'est très évident tout ça. Hein. Donc, comme chaque année, il y a environ 15 000, entre 15 000 et 20 000 personnes qui décèdent de la grippe saisonnière, notamment des personnes âgées, où sont ces morts ? D'accord ? On peut quand même s'interroger aussi là-dessus. Les pneumonies aussi, c'est la même chose. Et puis, comment dirais-je, des décès qui n'ont aucun rapport, comme c'est le cas ici, puisque là, il s'agit d'une personne qui souffrait d'un cancer généralisé. Donc, elle est morte du cancer. Elle est morte du cancer. J'ai vu, là, c'était en Bretagne, Alexis, là, c'était le doyen des Bretons qui était âgé de 108 ans, me semble-t-il, est décédé 4 jours après avoir reçu le vaccin. Alors, je ne sais pas s'il faut en tirer une conclusion ou pas, mais des gens vont dire qu'il est mort du Covid. Mais moi, je pense qu'il est simplement mort de vieillesse. Il est mort de vieillesse. C'était quelqu'un d'un très grand âge et il est mort. Mais il va être classé dans le nom des morts du Covid et ça va permettre, comme avec beaucoup de gens qui sont centenaires ou des nonagénaires ou même des octogénaires, ça va permettre de faire peur aux gens, leur dire « Attention, il y a des milliers de morts. » Bah oui, mais ces gens sont morts d'âge, n'est-ce pas ? Donc il y a plusieurs façons dont ils manipulent l'opinion, je veux dire. C'est clair, c'est évident. Oui, dans le cas de monsieur, très rapidement, Camille Lehoux, doyen des Bretons, mort à 108 ans. Il y a aussi un cas similaire avec la doyenne de Saône-et-Loire à 110 ans qui a reçu le vaccin et qui, quelques jours après, est décédée. Donc non seulement on peut les classer en Covid ou alors on dit « sont morts de vieillesse », mais ça nous amène sur l'autre sujet qui est la nocivité du vaccin potentiel. Mais oui, il y a bien sûr une manipulation considérable des gens. Alors, un point quand même, c'est qu'apparemment, il y a à peu près 50 000 personnes qui sont mortes en plus en 2020 par rapport à 2019. Donc, ça fait une augmentation qu'on calcule en pourcentage. Bon. Alors, ça peut paraître assez impressionnant, mais en fait, de 2016 à 2017, je crois, par exemple, en 2017, il y a eu une grippe sévère. Il y avait eu une augmentation aussi de 50 000 d'une année à l'autre. Donc, c'est pas la première fois. Puis, il faut aussi se souvenir du Rivotril, donc le médicament qui donne des insuffisances respiratoires, qu'on a administré à des personnes âgées qui avaient le Covid-19, sachant que le Covid-19 est un syndrome respiratoire qui limitait déjà, la respiration des gens. Donc, c'était les précipiter vers le tombeau, quoi. Et 17 000 personnes environ seraient concernées par ça. Sans compter aussi d'autres sujets. Alors, il y a eu un petit peu moins de morts, évidemment, dans les accidents automobiles, parce qu'évidemment, il y a eu moins de circulation suite au confinement, etc. Mais il y a eu aussi plus de morts en suicide. Et c'est pas fini, parce que les gens désespèrent et certains qui ont tout perdu sont en train de songer à mettre fin à leur jour. Qui d'autre ? Je crois que Fulbert voulait prendre la parole. Ah non, Mickaël, ouais. Oui, aussi le fait qu'on ne puisse pas voir le corps de la personne décédée. On ne peut pas bien s'assurer que ce soit elle. Et ça peut laisser place à tout un tas de choses, tout un tas de malversations. Moi, ça me perturberait réellement de perdre quelqu'un, mais de ne pas pouvoir voir son corps, de ne pas pouvoir m'assurer que ce soit elle dans son tombeau, etc. Moi, je trouve ça assez horrible d'un point de vue, on va dire, sentimental, mais ça laisse place à beaucoup de choses. Hein. Bah oui, c'est moi, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit le dispositif. Pour moi, ça a été fait sciemment. Hein. Bon, c'est un dispositif d'élimination des gens. C'est un dispositif d'élimination des gens discrétionnaire. D'accord ? Et on est bien au-delà de l'euthanasie telle qu'elle était présentée jusqu'à peu, hein, c'est-à-dire un choix délibéré, etc. C'est beaucoup plus grave que ça, puisque dans les faits, une fois que vous êtes déclaré positif au Covid et hospitalisé, vous êtes entre les mains d'équipes sans que vos proches puissent vous voir. Vous êtes entre les mains de l'État. Maintenant, posez-vous la question de ce qu'il pourrait se passer s'il y avait des troubles graves, des troubles sociaux, des troubles politiques graves. Je ne parle pas de quelque chose comme les gilets jaunes, je parle vraiment d'une pratiquement d'une révolution. Hein. Qu'est-ce qui se passerait si soudainement des gens se retrouvaient hospitalisés, peut-être contre leur gré, déclarés positifs et... Quelques jours plus tard, on appelle leurs proches, ben voilà, il est mort, vous ne pouvez pas le voir, la crémation va se faire et vous ne pouvez pas vérifier, etc. Et on vous remet une urne, voilà, et c'est tout. Même si on vous remet une urne, je veux dire, on en arrive pratiquement au stade où il pourrait y avoir une interrogation. Parce qu'on sait déjà que grâce au Rivotril, ils ont euthanasié des gens. Ça ne fait pas du tout l'objet de débat, ça a été reconnu, ils ont euthanasié des gens au Rivotril. Ça a été totalement reconnu. Je veux dire, ce n'est pas une théorie complotiste. Voilà, c'est vous retrouvez ça dans la presse la plus autorisée. Hein. Donc, moi, j'ai toujours, quand j'ai vu ça en mars-avril 2020, et quand ça a été, quand ça a fuité dans la presse et que ça a suscité beaucoup de remous, mais finalement pas suffisamment de remous. Je me suis dit, bon, bah là, le dispositif pour éliminer des gêneurs, il est en place. Et posez-vous la question, est-ce que d'après vous, ce dispositif va être suspendu? Est-ce que d'après vous, ce dispositif va être suspendu? Est-ce que l'interdiction d'accéder au corps d'un défunt va être suspendue? Est-ce que l'administration du Rivotril est suspendue? Est-ce que la crémation en urgence du corps sans témoin est suspendue? Sera suspendue dans le futur? Ben, moi, je vous dis que non. Donc, c'est présenté comme quelque chose de temporaire, de pris dans l'urgence, et pour moi, en réalité, ça a vocation à se pérenniser. C'est l'objectif. Alors, la question, c'est, est-ce que ça va... quel usage en sera-t-il fait entre les mains de ceux qui nous gouvernent? Et vous savez très bien qui c'est qui nous gouverne. Donc, je vous pose la question. C'est une question rhétorique, mais bon, moi, j'ai déjà ma réponse. Quoi. Voilà. Je vois ça. Je vous dis, hein, pour moi, c'est un dispositif d'élimination de gens potentiellement gênants. Pas que, mais aussi. Parce que dans le flot du nombre de morts, surtout quand on sait qu'ils trafiquent les statistiques, ça joue aussi. À partir, vous n'avez plus de chiffres, vous n'avez plus de statistiques fiables. Et qu'on peut même mettre des cancéreux morts du Covid, qu'est-ce qui peut se passer avec des gens qui sont hospitalisés, qui étaient asymptomatiques, bien portants, et qui finissent qui finissent entre quatre planches, quoi. Vous comprenez? Qui veut réagir là-dessus? Oui, ben, je pense qu'il faut s'interroger. Nous, on est, je pense, convaincus de la malveillance des gens qui nous dirigent, mais oui, beaucoup de gens sont encore trop naïfs et pensent que les gens qui nous dirigent veulent nous protéger. D'ailleurs, c'est le discours gouvernemental est relayé par leur relais médicaux, les médecins de plateau télé. Bon, bah, c'est la protection. Oui, d'accord. Mais protéger pour de quoi et comment et pour faire quoi? Et est-ce qu'on est véritablement sûr qu'ils nous protègent? Moi, bon, je suis revenu sur le Rivotril. Je pense que oui, c'était un des indicateurs qui montre qu'ils ne protègent pas tant que ça. Mais, et d'ailleurs, le confinement protège pas non plus, puisque le numéro un des épidémiologiste au monde, reconnu comme tel, en tout cas, Ioannidis aux États-Unis, a dit que ça ne servait à rien, enfin, suite à une étude, bon. Mais c'est pas le seul, bien sûr. Mais non seulement ils nous protègent, mais il faut se souvenir aussi d'autres scandales sanitaires ou alimentaires ou autres, ou médicaux, que les autorités ont cherché à masquer. L'histoire du sang contaminé, par exemple, avec le fameux Laurent Fabius, dont le fils, un des fils en tout cas, joue un rôle aussi auprès de McKinsey, je crois, pour piloter ou participer à piloter la campagne de vaccination. On retrouve toujours les mêmes. Il faut se souvenir de Tchernobyl, ils nous ont menti, ils nous ont dit que le nuage Tchernobyl s'était arrêté à la frontière physique, il n'avait pas son passeport certainement. On nous a caché plein de choses aussi sur l'histoire de la vache folle, on a minimisé énormément ce qui se passait. Et là c'est le contraire, c'est-à-dire qu'on a, je nie pas du tout l'existence du Covid-19, mais on est en train d'amplifier totalement les chiffres pour nous faire peur et d'hypertrophier une réalité, ma foi, qui peut être combattue par des médicaments pas très chers et qui, c'est une maladie qui ne semble pas particulièrement dangereuse après une année de recul maintenant sur les personnes bien portantes. Et voilà, donc c'est la loi d'inversion, c'est-à-dire les véritables dangers ont été souvent ignorés et masqué volontairement par ces gens-là. Et là, on a quelque chose qui est assez secondaire et qui est vraiment atrophié. Oui, tout à fait. Et il y a aussi le... moi, j'ai déjà dit ça, donc je le dis quand même. Je veux dire, ça n'a jamais été une question sanitaire, c'était une question politique. Il s'agissait de reprendre en main le système face à une contestation dite populiste qui allait en s'amplifiant dans le système occidental. Et en réalité, l'argument sanitaire, l'argumentation sanitaire, le grossissement démesuré du danger de ce virus est le fruit d'une campagne de guerre psychologique pour intimider les populations et leur faire accepter des mesures de contrôle qu'en temps normal, elles n'auraient pas accepté. Donc, je le dis, je le répète, il n'y a pas de menace sanitaire existentielle. Nous ne sommes pas au bord de l'apocalypse virale. Ça fait un an que ce virus a été, identifié. On voit que son taux, que sa létalité est dérisoire. Dans l'émission, on l'a dit, répété et martelé, mais je vois qu'il y a une proportion significative de la population en France, du moins, qui croit encore que ce virus est particulièrement dangereux. Alors, je peux comprendre qu'un public assez âgé, on va dire, soit inquiet et fasse preuve de prudence, si on veut, mais les mesures adoptées n'ont rien à voir avec la nature du danger. C'est complètement absurde et il suffit de réfléchir 5 secondes pour s'en rendre compte. C'est évident. Puisqu'on parle un petit peu là des véritables intentions des élites globalistes à la faveur de cette campagne d'intimidation, voici un autre article. Ça vaut le coup de le commenter. Ça vient de LCI. Alors, je vous lis ça. Des chercheurs ont développé une technologie qui permet, grâce à un tatouage invisible incrusté sous la peau, de faire apparaître le carnet de santé d'une personne via la caméra d'un smartphone. De quoi fournir aux médecins, notamment dans les pays en voie de développement, la preuve que la personne a été vaccinée. Les implants technologiques sous-cutanés utilisés dans le monde entier pour le bétail et les animaux domestiques commencent à se répandre chez l'homme, comme en Suède où plusieurs milliers de personnes les utilisent déjà comme clés, tickets de train ou cartes bancaires. Dans le domaine de la santé, cette fois, une équipe de scientifiques du Massachusetts Institute of Technology, le MIT, a annoncé avoir mis au point un procédé révolutionnaire. Au lieu d'implanter une puce électronique entre l'index et le pouce, des nanoparticules sont injectées sous la peau via une seringue spéciale. Ces nanoparticules ont la particularité d'émettre une lumière fluorescente, imperceptible à l'œil nu, mais visible depuis l'écran d'un smartphone. Concrètement, l'idée est d'établir sur le corps lui-même la preuve du vaccin, notamment dans les pays en voie de développement où les cartes de vaccination en papier sont souvent erronées ou incomplètes et où les dossiers médicaux électroniques inexistants. Pour l'instant, la technologie a été testée uniquement sur des rats, mais les chercheurs espèrent les tester sur des humains en Afrique dans les 2 prochaines années. Les scientifiques ont passé beaucoup de temps à trouver des composants à la fois sûrs pour l'organisme, stables et capables de durer plusieurs années. La recette finale est composée de nanocristaux à base de cuivre appelés boîtes quantiques. Mesurant 3,7 nanomètres de diamètre, ces nanocristaux sont ensuite encapsulés dans des microparticules de 16 micromètres. Détaillent les chercheurs dans un article paru le mercredi 18 décembre dans la revue Science Translational Medicine. L'implantation qui se fait grâce à une seringue spéciale dotée d'un patch de micro-aiguilles de 1,5 mm de longueur est presque indolore. Une fois appliquée sur la peau, pendant 2 minutes, les micro-aiguilles se dissolvent et laissent sous la peau les petits points répartis par exemple en forme de cercle ou bien d'une croix, qui apparaissent sous l'effet d'une partie du spectre lumineux invisible pour nous, proche de l'infrarouge. Par le biais de la caméra d'un smartphone modifié, pointée sur la peau, apparaissent fluorescents sur l'écran le cercle ou la croix. Les chercheurs voudraient que l'on puisse injecter le vaccin contre la rougeole en même temps que ces petits points. De ce fait, un médecin pourrait, des années plus tard, vérifier si la personne a été vaccinée. La technique est censée être plus durable que le marquage par feutre indélébile. Dans le compte-rendu de leurs travaux, les scientifiques indiquent qu'ils ont simulé 5 années d'exposition au soleil au cours de tests en laboratoire. Autre avantage de ce dispositif, il requiert moins de technologie qu'un scan de l'iris ou que la maintenance de bases de données médicales. La limite du concept est ce que la technique ne sera utile pour identifier les enfants non vaccinés que si elle devient l'outil exclusif. En outre, les gens accepteront-ils de multiples marquages sous la peau pour chaque vaccin? Et qu'adviendra-t-il des points quand le corps des enfants grandira? La fondation Bill et Melinda Gates, qui finance ce projet, mène actuellement des enquêtes d'opinion au Kenya, au Malawi et au Bangladesh pour déterminer si les populations seront prêtes à adopter ces microscopiques boîtes quantiques ou si elles préféreront en rester aux vieilles cartes de vaccination. Alors, vous voyez qu'il y a une continuité hein, dans le projet. Qui veut réagir à ça? Comme vous l'avez compris, je peux même vous dire, parce que j'avais lu ça aussi dans une revue spécialisée, que les chercheurs travaillent sur une expansion significative des données qui pourraient comme ça être tatouées sur la personne. Pas uniquement des données à caractère vaccinal, mais beaucoup d'autres choses. Donc on voit que là, il y a une intention très claire et on voit qui est encore une fois la manœuvre, puisque c'est la Fondation Gates qui est à l'avant-garde de ce projet. Alors, qui veut réagir là-dessus, sur les intentions des élites qui nous contrôlent? Question, qu'est-ce qu'un complotiste? En fait, un complotiste, c'est un mec qui a raison un petit peu trop tôt. Voilà. Parce que ça fait combien de temps que ce genre d'infos a été quand même vulgarisé, popularisé dans les milieux un peu dissidents? Ça remonte un peu, hein. Mais on nous traitait de fous. On nous traitait de fous et maintenant, c'est dans la presse la plus officielle. D'accord? Si vous avez des doutes, vous pouvez à nouveau, vous, quand vous nous écoutez, vous cherchez, vous trouvez l'information. Voilà. Pour cette information, encore une fois, on a eu des, entre guillemets, journalistes, hein, des débunkers, qui sont amusés à nous ridiculiser et qui maintenant se taisent, tout simplement. Mais ça, c'est systématique. Ça, c'est un cycle qui revient à chaque fois. Oui, et puis le 26 mars dernier est sorti sur le marché, enfin, a été déposé plutôt un brevet, donc je crois qu'il faut le réclamer 18 mois auparavant pour déposer un brevet de ce type. Donc de Microsoft, donc comme on sait, lié, fondé par Bill Gates, concernant justement des nanoparticules pouvant être implantées dans la peau. Donc tout ça, c'est dans la continuité. C'est vrai qu'on s'était moqué au départ en disant oui, vous parlez de nanoparticules, on va se transformer en robots d'après vous, etc. Ces informations, elles n'étaient pas tombées du ciel, hein, elles étaient tout simplement elles étaient consultables. Maintenant, dans quelle mesure et à quelle vitesse vont-ils mettre ça en pratique sur l'homme? Bon, ils sont déjà sur la phase de test sur des populations du tiers-monde qui, de toute façon, s'il y a des accidents, on va leur filer un peu d'argent et puis ils vont se perdre. On sait qu'il y a comme ça aussi beaucoup d'enfants indiens qui ont été handicapés, lourdement paralysés suite au vaccin de la poliomyélite de la Fondation Gates. Mais bon, on leur a filé un peu d'argent, on a filé de l'argent aussi aux médias pour qu'ils se taisent. Mais il y a des choses de très très graves qui se passent. Si j'ai cité cet article, en fait, c'est pour souligner le fait qu'il y a une intention de longue date de prendre le contrôle des populations en Occident. Vous voyez que donc Bill Gates, qui est au cœur hein, de tout ce que l'on vit depuis un an, puisque c'était lui qui avait notamment financé le fameux spécialiste britannique qui avait annoncé en France 500 000 de morts hein, si on ne confinait pas. Ce sera, rappelez-vous, hein, des chiffres, on avait vraiment terrorisé les gens en mars 2020, ces chiffres venaient de chez lui. Par la suite, on a eu accès au code dont il s'était servi pour faire ses prévisions, et c'était une blague, hein, je veux dire, c'était une farce. Je ne vais pas y revenir, mais on avait vu que ce n'était pas du tout crédible, pas du tout sérieux, et en creusant, on avait découvert qu'en fait, ce pseudo-expert britannique était en réalité financé depuis des années et des années par la fondation Gates. Donc en réalité, Gates commandait les résultats à l'avance pour obtenir un effet psychologique et médiatique dans le but de faire adopter les mesures que lui veut voir adopter et sur lesquelles il a lourdement investi. Hein, il a investi beaucoup d'argent dans toute une série de pas seulement les vaccins, mais dans toute une série de domaines, pensant que la pandémie va faire basculer la société vers l'adoption de toute une série de technologies dans lesquelles il sera bien évidemment très très très très impliqué. Donc il y a un plan. Et la panique orchestrée par les médias fait partie de ce plan. Et il faut l'avoir à l'esprit. Donc, si vous voulez avoir un effet de panique maximum, il vous faut des statistiques qui corroborent ce que vous dites. Bien sûr. Et ce qui me ramène donc à l'article de Varmatin, qui s'étonne un petit peu en disant « Mais comment se fait-il ? On classe des morts du cancer en morts du Covid. Les proches ne peuvent rien contester. Hein ? Ils sont, les personnes décédées sont d'autorité placées sur des listes de morts du Covid sans pouvoir, sans que les proches puissent faire appel, contester. Hein ? J'ai dit aussi hein, que les morts de la grippe n'étaient plus comptabilisées. Bon, il est évident qu'il y a une manipulation des chiffres pour faire peur et pour que les gens acceptent les mesures qui sont prises. Et ensuite, quand vous regardez un peu plus sur le long terme, ceux qui ont de la suite dans les idées comme Bill Gates, vous voyez que ces gens-là sont déjà non pas dans la vaccination, mais dans le tracking de la vaccination. Parce qu'en fait, le tatouage, là, ce n'est pas de la vaccination au sens strict, c'est le suivi de la vaccination. Du moins, c'est ce qu'on nous dit. On nous dit, voilà, on va tatouer sur votre corps des informations relatives à votre identité. Alors, on nous dit, voilà, c'est pour savoir si vous avez été vacciné. Oui, peut-être. Ou c'est peut-être aussi pour savoir vous vous êtes déplacé de tel endroit à tel endroit, de telle date à telle date. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, la technologie ne le permet pas encore, mais peut-être que dans 10 ans, ça sera très, très trivial de le faire. D'accord ? L'idée centrale, le concept de base, c'est de marquer sur les personnes des informations indélébiles. Donc, plus besoin... Comme ce qui s'est passé à Hong Kong, avec l'application Stop Covid, la version hongkongaise, qui a été utilisée par les services de renseignement pro-chinois, quel manifestant que c'est... Enfin, peut-être qu'ils ont utilisé ça à Hong Kong, mais c'était à Singapour qu'ils ont utilisé ça. Autant pour moi, pardon. Ouais, c'était à Singapour, et à Singapour, ils ont dit, voilà, au départ, ils ont proposé l'application de tracking des personnes qui avaient contracté le Covid, en disant, rassurez-vous, l'application ne sera jamais utilisée à d'autres fins que des fins médicales, voilà. Et puis 6 mois après, le responsable du renseignement a dit que l'application allait servir à lutter contre le terrorisme. Bon, quel rapport ? Bon, vous avez compris que derrière terrorisme, ensuite on met blanchiment d'argent, et puis ensuite on met tout en fait, hein, parce qu'on veut savoir ce que vous faites. Donc, les intentions du système sont claires. Les intentions du système sont claires. Et je veux dire, il faut... Alors, on m'a dit ça, justement, parce que tant que j'y suis, autant que je soulève ce point aussi, il y a des personnes qui témoignent sur ce qu'ils observent autour d'eux. dans leur ville. Alors là, j'avais l'exemple à Nantes et dans la région nantaise, pas qu'à Nantes d'ailleurs, où après 18 heures, on non seulement n'éteint l'éclairage public, mais on suspend les feux rouges au carrefour. Donc, il faut qu'on m'explique, là. On lutte contre un virus en éteignant les feux rouges. Vous voyez, si ce genre de truc ne déclenche pas dans votre esprit une suspicion, je vous invite à vous poser quelques questions tout de même. Hein. Il n'y a aucun rapport entre la lutte contre un virus et le fait d'éteindre l'éclairage public, d'éteindre les feux rouges, comme si on était en temps de guerre pour éviter des bombardements. N'est-ce pas ? Si vous vous renseignez un petit peu, parce que ça c'est une littérature qui est disponible en ligne, les manuels de l'OTAN de lutte contre-insurrectionnelle, donc de répression, si vous voulez, de mouvements populaires, tout ça est en ligne. Stipule, puisqu'il y a toute une série de critères d'évaluation sur l'efficacité de mesures prises dans le cadre de la lutte contre-insurrectionnelle pour écraser une insurrection du peuple. Et parmi celles-là, il y a le fait d'évaluer les réactions de la population à des mesures de contrôle des mouvements des populations et de voir comment ils réagissent en substance. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de test. Donc tout ça, c'est dans le manuel de l'OTAN. Et voilà, il faut évaluer en temps réel comment les populations réagissent à tel type de mesure, restriction de sortie du domicile, etc. Voilà. Et c'est ce qu'on vit en réalité. C'est-à-dire que vous avez des tests en temps réel qui sont faits et on voit si les populations réagissent ou pas. Donc tout d'un coup, vous voyez, l'éclairage, il est suspendu. Il n'y a aucun rapport avec le virus, mais c'est pour voir. Est-ce que les gens réagissent ? Est-ce que les gens s'interrogent ? Est-ce qu'ils se posent des questions ? Est-ce qu'ils disent rien ? Est-ce que ça reste calme ? Etc. Vous voyez ? Ça, c'est ce qui se passe en ce moment. Ce à quoi on assiste depuis un an maintenant en France et en Europe et dans le monde occidental, ce n'est pas une crise sanitaire, c'est une opération de lutte contre-insurrectionnelle préventive. Ces gens s'attendent à des soulèvements de la part de la population pour des raisons économiques, très prévisibles, notamment les dettes souveraines, etc. Donc ces gens savent que des troubles très graves se pointent à l'horizon. Ils n'ont pas décidé d'attendre 2022 pour réagir. D'accord ? Donc ils ont adopté toutes ces mesures. Voilà, c'est ça qui se passe. C'est ça qui se passe en ce moment. D'accord ? Exactement. D'ailleurs, pour confirmer ce que tu dis, j'ai sous les yeux un article du journal belge francophone Le Soir. C'est le ministre de la Santé qui parle, et c'est le titre de l'article. Frank Vandenbroucke défend son projet de loi, entre guillemets, pandémie, pour remplacer les pouvoirs spéciaux. Or, je vous rappelle quand même, les pouvoirs spéciaux sont mis en place par le gouvernement dans des cas de crise considérés comme exceptionnels ou majeurs. Dans le cas ici qui nous concerne et dont on parle, il s'agit de quoi ? Ben, de confinement, de distance obligatoire, j'ai oublié le terme exact, de couvre-feu, d'interdiction de déplacement. Et donc, ce politicard nous dit que les pouvoirs spéciaux, il veut les remplacer par un projet de loi pandémie. Vous imaginez un petit peu, on pourrait à ce moment-là, ce qu'on fait déjà indirectement, invoquer une pandémie pour carrément paralyser la société. Oui, c'est ça. Ben en plus, ils normalisent, parce qu'au départ, ils décrètent l'état d'urgence, et quand vous regardez ce qu'ils font ensuite, ils font rentrer ces mesures exceptionnelles dans le droit commun. Ils normalisent l'état d'urgence. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'on se retrouve dans un état de siège aujourd'hui. On est dans un état de siège. Mais on ne présente pas ça comme ça. On ne dit pas c'est un état de siège, parce qu'il ne s'agit pas d'attirer la suspicion des populations. Donc on dit qu'il y a un état d'urgence sanitaire, ça n'a rien de sanitaire. On, on place les États occidentaux en état de siège. On normalise l'état de siège en faisant passer les mesures adoptées dans le droit commun pour les pérenniser. Et par ce tour de passe-passe juridique, on évite de susciter en fait la méfiance des populations. C'est exactement ce qui se passe, donc à la fois par le martèlement médiatique sur le danger du Covid, etc., alors qu'il n'a aucune matérialité réelle, je veux dire. Ce n'est pas la peste noire, hein, faut être sérieux. Et tout ça rentre dans le cadre de ce que j'ai défini, hein, une lutte contre-insurrectionnelle, préventive, par les élites en place, qui ont peur d'être renversées. C'est ce qui se passe en ce moment même. Voilà. C'est la stratégie de la peur, tout simplement. Tiens, je voulais ajouter un petit truc tout à l'heure. Tu as cité deux cas de possibilité dans le début de ta démonstration sur la pandémie en question. Il y avait deux façons de mourir. C'était de mourir, soit on mourait du coronavirus pour certains, soit tu mourais de vieillesse, il y avait doute. Et il y en a une troisième. Ça, c'est un petit peu iconoclaste, mais et il y a une troisième, à mon avis, qui est de mourir des suites du vaccin contre le coronavirus. Oui. Oui, ça a été documenté. Hein. Ça a été documenté. Hein. Là aussi, c'est pas sorti de l'esprit d'un complotiste. Hein. Ça a été recensé dans plusieurs pays. J'ai vu ça en Norvège, j'ai vu ça au Mexique. Enfin, il y a ça. Et le formidable cas israélien qui est apparu, je crois, en premier, là, qui était vraiment flagrant. Quoi. D'ailleurs, il y a eu une séquence hein, sur CNews hein, cette semaine-là. Il y avait Laurent Alexandre qui était absolument horrible. Déchaîné. Ouais, il disait que voilà que les jeunes n'avaient qu'à s'écraser parce que finalement ils étaient très privilégiés, et tout parce que ça faisait suite au fait que avec le Covid-19, etc. Beaucoup d'étudiants peuvent plus faire de petits boulots, donc ils ont des difficultés pour se nourrir. Alors pas les étudiants africains, je vous rassure, hein, eux ils sont très bien nourris, il n'y a pas de problème. Hein. Non. C'était quand même très, très majoritairement des étudiants blancs qui faisaient la queue dans la région parisienne pour toucher des paquets de nouilles, etc. Parce que bon, bah, ils n'arrivaient pas tellement à joindre les deux bouts. Hein. C'était des étudiants un peu pauvres, même franchement pauvres. Et alors la séquence a quand même suscité un certain nombre d'interrogations. Voilà, tiens, qu'est-ce qui se passe là? Bon, bah, les conséquences en fait pratiques de tout ce qu'on a décrit autour du Covid. Et alors il y avait Laurent Alexandre qui, vous savez, est une espèce d'histrion médiatique un peu étonnant, un peu étrange, qui a réagi. Oui, ils sont privilégiés, etc. Et puis après, il a commencé à citer le chemin des dames, 1917. C'était un message très confus. On prend la queue devant les banques alimentaires. Enfin, oui. Franchement, on n'est pas non plus dans les dans des années extraordinaires pour la jeunesse. Allons faire un tour 5 minutes en 1917 tous les deux sur le chemin des dames et on en parlera. Des centaines de mètres de queue. Ils apprendront que la vie, c'est pas rose tous les jours. Arrêtez, c'est des discours de vieux schnocks. Mais vous prenez quelques exemples. Regardez-là, écoutez. Je suis totalement d'accord. Ouvrez les yeux, allez les voir, ces gamins. La jeunesse n'a jamais eu une vie aussi facile. Absolument. Mais visiblement, enfin, en substance, ce qu'il disait, c'est que grosso modo, tant que vous ne connaissez pas les conditions d'existence des soldats de 14-18 dans les tranchées, vous n'êtes pas fondé à vous plaindre. Ce qui est quand même mettre le standard assez bas, je dois dire. Hein, ça veut dire qu'on ne peut pas se plaindre avant d'avoir vraiment, vraiment, vraiment touché le fond, c'est-à-dire faire du camping dans la boue sous des obus. D'accord. Et alors, voilà, il y avait là une manifestation d'une colère générationnelle qui n'était pas inintéressante à observer. Je ne sais pas. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais bon, j'ai trouvé ce passage particulièrement obscène, hein, je dois bien le dire. Hein, parce que présenter les jeunes aujourd'hui, les jeunes de 20 ans, là, comme des privilégiés, en sachant ce qu'ils ont sur le dos, Et ce qui les attend, c'est absolument scandaleux, je veux dire. Parce que la génération, effectivement, du baby boom, Laurent Alexandre à la soixantaine à peu près. Oui, donc il n'a pas fait les tranchées. Donc. Il n'a pas fait les tranchées, il n'a pas fait la guerre, il n'a jamais connu la guerre. Il a connu la prospérité, il a connu le plein emploi. Maintenant, il connaît l'exposition médiatique, très généreuse, très étonnante aussi. Pendant ce temps-là, les jeunes, eux, qu'est-ce qu'ils ont ? Alors, déjà, ils ont une société multiraciale sur les bras. Hein. Ils vivent au milieu des nègres et des bougnoules. Bon, ils n'ont pas choisi, mais c'est comme ça, parce que, en fait, depuis 40 ans, la génération de 68 a dit que c'était ce qu'il fallait faire, c'était le type de société idéale qu'il fallait mettre en place. Donc, ils ont soutenu ça très activement. Hein. Y avait aussi tous les programmes sociaux de ces 30 ou 40 dernières années très généreux qui ont été mis en place. Là encore, hein, au titre du programme de la gauche socialiste. Bon, alors là, ils ont pas compté non plus. Hein. Là, ça a été, voilà. Bah, vous pouvez voir ça au quotidien, parce que maintenant, on doit accueillir tout le tiers-monde. Je parle de la société multiraciale qu'ils ont voulu mettre en place, mais cette société a un coût. Alors maintenant, toute l'Afrique arrive et ils sont éligibles à toute une série de droits. Je voyais encore, il y a 10 jours, le gouvernement a officialisé un dispositif d'aide pour les migrants mineurs, mais même pas que, ils ont dit pour les migrants mineurs et les migrants tout juste majeurs. Essayer de trouver une définition juridique d'un truc pareil, ça veut dire quoi tout juste majeur ? T'es majeur ou t'es pas majeur, c'est tout. Non, ils ont dit tout juste majeur. Bon, alors ça va bien évidemment être appliqué de manière très flexible hein, par toutes les assistantes sociales, etc. Et alors, ils ont le droit à l'équivalent d'un RSA. Donc, t'es un clandestin, tout juste mineur, donc t'as 19 ans, tu vois. T'arrives en France, t'as un RSA, d'entrée de jeu. Et je ne parle pas des dispositifs d'accueil, de formation, de tout ce que vous voulez. Donc, à côté de ça, t'es un jeune blanc de 20 ans, pour des raisons diverses, tu as raté tes études peut-être, tu as été déscolarisé, je ne sais pas. Et si tu veux demander un soutien au gouvernement, bah, tu auras la même chose que un migrant de Guinée clandestin, un migrant du Maroc clandestin qui fait sa demande. Quoi. Tu l'auras probablement même après eux. Probablement même après eux, parce que toi, tu n'auras pas des associations de vieilles rombières retraitées de l'éducation nationale, là aussi des 68 ardes, pour t'épauler. Hein. Ils ne vont pas se bousculer au portillon pour t'aider. Pour donner des conseils juridiques, connaissent la loi mieux que les juges, hein, ces associations. Tout à fait. Notamment l'association Salam, je ne sais pas si vous connaissez. Hein. Je connais Utopia 56, dans ce genre-là. Utopia 56, c'est une association d'aide aux migrants clandestins. C'est exclusivement, je dis bien exclusivement, composé de rombières de 60-70 ans retraités de l'éducation nationale et qui militent pour l'invasion qui ont une couverture qui se font aussi sauter par des nègres. Oui, bien évidemment, ça fait partie du programme. Mais alors, donc si vous voulez, donc un jeune blanc, vous voyez, il passe en dernier en France, c'est clair. Il vit au milieu d'une véritable jungle raciale avec les implications que ça a au plan sécuritaire et au plan de la qualité de vie aussi, fatalement, de la, comment dirais-je, de sa qualité de vie quotidienne, quoi. Je ne parle même pas si on est sur des... On n'a pas beaucoup de qualifications de le dumping social qui est organisé à la faveur de l'immigration de masse. Alors maintenant, on voit dans les médias que tous les patrons voyous qui utilisent des migrants clandestins sont maintenant quasiment comparés à Mère Teresa. Par les médias de gauche, hein, par les médias de gauche. Les médias de gauche, maintenant, trouvent que tous les Thénardier qui sautent sur l'aubaine de l'immigration clandestine sont des figures de l'humanitarisme. Vous voyez ? Bon, voilà, on découvre ça. Puis à côté, tu as des jeunes chômeurs, des Français de souche, hein, qui savent pas quoi faire de leur vie parce qu'ils sont sur le bord de la route, ils aimeraient bien une formation, ils trouvent pas celle qui leur convient. Voilà, et, oui, mais non, pas toi. T'es pas prioritaire, tu vois. Bon, et quand tu vois tout ça, il faut encore ajouter un autre truc dont on parle trop peu, à mon avis, c'est la montagne énorme de dettes qui a été accumulée pour payer tout ce cirque. Parce que ça coûte une fortune, ce truc. Alors, réfléchissons 3 secondes. 2500 milliards d'euros de dettes accumulées pour le seul État français. Je ne parle même pas des ménages et des entreprises. Hein. 2500 milliards d'euros de dettes accumulées. Bon. Vous avez vu l'augmentation de l'endettement public depuis un an en raison du Covid. 350 milliards d'euros d'emprunt, auquel il faut ajouter les 150 milliards de rétraction du PIB français. Donc vous avez eu moins 8%, moins 9% de rétraction du PIB français à cause de ces confinements mis en place par les élites globalistes dont j'ai parlé, qui savent très bien ce qu'elles font et qui organisent la réduction du niveau de vie des populations de manière tout à fait consciente. Donc il y a déjà ce premier tassement, 9%. Et en plus, 350 milliards d'euros d'emprunts, empruntés à qui ? Bon, bah, je ne vous fais pas un dessin. Que devront rembourser qui ? Bah, les jeunes, forcément. Pas les vieux, donc les jeunes. Donc ils vont devoir rembourser des sommes absolument colossales et l'emprunt est hors de contrôle. L'emprunt est hors de contrôle, à tel point que le FMI vient d'avertir la France. Le FMI vient de dire à la France, attention, votre dette publique est totalement hors de contrôle. Donc ça veut dire quoi quand le FMI dit ça ? Ça veut dire il va falloir comprimer encore davantage le niveau de vie de votre classe moyenne, c'est-à-dire en fait se débarrasser de votre classe moyenne. C'est ça le message qui est envoyé. Dans ces circonstances-là, faire comme Laurent Alexandre et dire que la jeunesse en France, ou la jeunesse en Belgique, parce que lui-même je crois qu'il est originaire de Belgique, est privilégié, je veux dire, c'est une provocation, là aussi je crois une provocation consciente, hein, parce que ils démarrent pas du tout, les jeunes de 20 ans ne démarrent pas du tout de la même façon que les boomers, hein, à 40 ans de... C'est un mépris de génération, et très clair, hein, mépris générationnel, et c'est en même temps aussi un mépris de classe, les deux en même temps. Il faut dire que qui détient le capital en France, effectivement les boomers détiennent le capital, sont propriétaires, ont les maisons secondaires. Moi, je suis un trentenaire, et je ne connais pas beaucoup de trentenaires qui peuvent accéder au logement maintenant en tant que propriétaires ou qui ont des possibilités d'être propriétaires dans l'avenir, alors que ça, c'était quelque chose qui était un lieu commun pour la génération de mes parents. D'accord ? Être propriétaire avant ses 40 ans, oui, ça se faisait. Maintenant, ça devient beaucoup plus rare. Donc, mépris par rapport à notre génération ou la génération d'après. Mépris de classe, ça fait très... En plus, c'était ignoble parce qu'on voyait vraiment des images touchantes d'étudiants qui étaient en file comme ça, qui faisaient limite l'aumône pour avoir un peu de bouffe. Et c'était un peu la caricature qu'on attribuait à tort d'ailleurs à l'ancien régime. Je ne sais plus c'est quoi exactement la formule, c'est « puisqu'ils ne peuvent pas manger du pain, qu'ils mangent de la brioche », vous savez, c'est la formule qu'on attribue à tort à Marie-Antoinette. Là, ça y ressemblait vraiment, mais sur un plateau de télé pour le coup. Une vraie c'est histoire bien dégueulasse. Oui, c'est une. Oui, c'est vrai. Marie-Antoinette n'a pas prononcé cette phrase. Hein. C'est une légende inventée. Diane Rousseau. Mais là, c'est ce qu'on a dit effectivement à ces jeunes-là. Alors des gens ont dit oui, mais c'est des gauchistes, etc. Mais ça change rien. Je veux dire, ça change pas les conditions objectives qui s'abattent pas sur quelques étudiants, mais sur un pays entier. Tu parlais d'accession à la propriété. Ben, c'est très simple. Aujourd'hui, les gens ne savent même pas s'ils auront un emploi dans un an ou dans deux ans, parce qu'on ne connaît pas. On rentre dans une précarité complète. Les gens n'ont plus aucune visibilité, tout particulièrement les jeunes. Donc, dans ces conditions, comment voulez-vous souscrire un emprunt ? D'accord ? Parce que les emprunts pour acquérir une habitation, c'est des emprunts sur 25 ans, la plupart du temps. Hein. Y en a qui vont même au-delà. Mais bon, voilà, imaginez, il y a 20 ans, donc les zoomers, donc il y a les boomers, donc c'est ceux qui ont 20 ans en 2020, quoi. Les zoomers, je veux dire, ils commencent avec le Covid. C'est la génération Covid, quoi. Ils commencent leur vingtaine par le Covid. Le Covid et le bolchevisme. Bon, d'entendre des gens dire que ces gens-là sont des privilégiés, moi, c'est ahurissant, mais... S'en est suivi d'ailleurs une petite discussion sur les jeunes qui fumaient du shit dans l'émission de CNews, pour dire à quel point ils étaient vraiment privilégiés parce qu'ils avaient en plus le confort de la drogue. Enfin, c'est qui enfin, je sais pas si vous. Ces gens ont la mémoire courte quand même, hein, parce que toute cette promotion justement des drogues et puis c'était un peu libertaire, ça vient d'eux très clairement. Et puis trafic de drogue, il vient d'où ? Bah, c'est les bougnoules. Qui a importé les bougnoules ? Les boomers. Oui, non, mais bien sûr. Qui veut peut-être sur ce thématique. Moi, ouais. C'est-à-dire qu'on va avoir, la génération de ceux qui ont 20-30 ans actuellement va devoir payer la retraite des boomers et rembourser cette dette qui fait que d'augmenter, qui est donc là, comme c'est 2500 milliards, c'est-à-dire au-delà de 100% du PIB. Mais c'est totalement impossible parce qu'en France, il ne reste strictement rien en activité économique. Notamment à cause de la tertiarisation de l'économie. Donc on va se retrouver face à un gros problème qui, de mon point de vue, va mener petit à petit vers un effondrement qui sera économique, qui sera aussi lié à la société multiraciale, etc. Enfin, c'est terminé. Je ne pense pas qu'on puisse, que la République française puisse se relever de ça. Oui, bien sûr. Et puis même les populations nouvelles, entre guillemets, les allogènes, eux, ils sont là, s'ils y trouvent intérêt, ils vont être en France pendant un certain temps, mais s'ils n'y trouvent plus d'intérêt, s'ils gagnent plus suffisamment bien leur vie, ils vont réfléchir sans doute à aller ailleurs. Hein. Donc, il n'y aura pas le calcul comme quoi ce serait les allogènes qui paieraient, ça se fera pas non plus. Hein. Déjà parce que souvent, les emplois qu'ils occupent sont des emplois peu rémunérateurs, ils font du trafic, une bonne partie au black. Quand ils ont du pognon, ils l'envoient à leur grand-mère au bled. Donc, en fait, ils participent pas véritablement à la France autant que ce qu'on voudrait, quoi. Sans parler du fait qu'ils prennent des emplois, évidemment, aussi aux Français de souche. Si on faut s'intéresser aux chiffres. Hein. Il y a pratiquement 10% du PIB se sont envolés, ils sont partis en fumée. C'est très simple, vous calculez, hein, 10% d'un PIB qui était à peu près à 2500 milliards d'euros en 2020, on stagnait depuis 2008, en fait, depuis la crise de 2008, en fait, l'économie française n'a jamais pu franchir cette barre. Donc on stagnait à 2400-2500 milliards d'euros de PIB, et... avec 10% de rétraction calculée, ça fait plus de 200 milliards, 250 milliards de pertes. Bon, ça c'est une chose. Pour les limiter, il y a un emprunt, etc. Qui dit emprunt dit intérêt. Donc quand vous empruntez 350 milliards, c'est pas 350 milliards que vous devrez rembourser, c'est beaucoup plus. Vous avez aussi l'effondrement du commerce extérieur, pardonnez-moi. Je crois que c'est pratiquement 70 milliards de pertes, enfin, pas tout à fait, mais presque. Bon, l'année 2021 s'annonce comment ? Pour moi, je vous dis, on va vers une rétraction encore plus forte du PIB et encore en 2022, ce qui fait que, selon moi, c'est une hypothèse que je formule. Hein, je n'ai pas une boule de cristal et puis je ne prétends pas avoir toujours raison, mais je pense, si vous voulez, qu'on va grosso modo vers une baisse de la richesse nationale sur les années à venir qui sera de l'ordre, à mon avis, de 40%. C'est mon évaluation de la situation. Je peux me tromper. Quand vous écoutez les économistes les plus officiels, les plus optimistes, hein, optimistes sur commande, on vous explique que 2021, c'est bon, tout va repartir. Ce n'est pas ma conviction. Je pense que 2021 et 2022 ne seront pas des années... économiquement très, très, très dynamique. Donc je pense qu'on va continuer à connaître un déclin très fort au plan économique, sans perdre de vue la crise des dettes souveraines. Hein. Il ne faut pas perdre de vue ça. C'est-à-dire que l'endettement s'accumule, et à la minute où les taux d'intérêt commencent à monter sous un effet de panique, c'est-à-dire que le marché commence à dire « la France, l'Italie, l'Espagne ne pourront pas rembourser leurs dettes publiques, je retire mon capital du marché des obligations d'État », à ce moment-là, vous voyez les taux d'intérêt monter en flèche. C'est-à-dire que le poids de la dette augmente instantanément parce que là, les taux sont négatifs, mais si ça remonte sous la pression justement des marchés, à ce moment-là, ce que Lagarde essaye de comprimer d'ailleurs, à ce moment-là, les dettes implosent. Et alors là, c'est tous les programmes sociaux qui s'effondrent. Enfin, c'est un effet domino, quoi. Et là, vous allez vous retrouver avec des pertes considérables. Donc, mon interprétation, c'est qu'on va connaître le sort de la Grèce et une suppression de 40% de la richesse nationale. Donc, ce qui nous ramènerait au niveau des années, grosso modo, des années 90. À peu près. Le problème, c'est qu'entre 1990 et 2021, sur 30 ans, la France a gagné pratiquement l'équivalent de plus de 10 millions d'habitants. C'est pas que les Français ont fait beaucoup d'enfants, c'est qu'ils ont laissé venir l'Afrique. Hein ? Donc, vous avez tous ces gens qui sont totalement dépendants des subsides de l'État. Donc j'ai parlé encore récemment là, du projet gouvernement, c'est même pas un projet, ça a été décidé, de traitement des migrants mineurs et jeunes majeurs aux frais de l'État, etc. La rénovation urbaine, alors ça c'est des milliards d'euros pour refaire des barres HLM, faire des cités pavillonnaires, etc., des trucs... voilà, pour mettre des nègres dedans, hein, en espérant que, parce qu'on change leur environnement, enfin leur habitat, les nègres cesseront d'être des nègres et deviendront des Français. Bon, je veux dire, enfin bon, c'est les Shadocks, hein. Et donc tout ça, du jour au lendemain, peut s'arrêter. Et moi, quand je vois les annonces gouvernementales, surtout les programmes qu'ils ont, on n'a pas du tout l'impression d'avoir affaire à des dirigeants qui sont inquiets sur l'état des finances publiques françaises. Pas du tout l'impression d'avoir ni un chef de l'État, ni un chef du gouvernement, ni un ministre des Finances inquiet de la situation. Parce que sinon, ils ne crameraient pas le pognon qu'ils sont en train de cramer dans tous ces programmes sociaux. Hein. C'est pas ce qui se passerait. On atteint pratiquement aujourd'hui, j'ai vu le chiffre, hein, on atteint aujourd'hui en France, en réalité, 60% des dépenses du, en, 60% du PIB en dépenses publiques. 60%. Avant le Covid, on était à 57. On a atteint 60%. Vous ne vous rendez pas compte ? On est pratiquement un pays communiste. Pratiquement un pays communiste. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Ça, c'est intéressant aussi. Nos auditeurs veulent sûrement en entendre parler. C'est face à tout ça, face à cette envolée des dettes, face à cet effondrement de l'économie, face à la crise des dettes souveraines qui pointe son nez à l'horizon. Elle est inévitable. Face au chômage qui va forcément aussi prendre de l'ampleur, quelle va être la solution de l'État français, d'après vous ? Assez simple, ils vont augmenter les impôts, ils vont augmenter les prélèvements, voilà. Ça va être ça la réponse. Donc la classe moyenne, je veux dire, ils vont pas prendre des mesures pour la sauver, ils vont procéder à son euthanasie. C'est pour ça que j'ai cité le FMI. Le FMI leur a dit attention à vos dépenses, à votre politique d'endettement, à l'adresse hein, du gouvernement français. Attention à votre politique d'endettement, il va falloir réagir. Bon, bah, qu'est-ce que ça veut dire ? Augmenter les impôts. C'est ça que ça veut dire. Donc, imaginez une augmentation considérable des impôts pour une économie comme l'économie française qui est dans l'état dans lequel elle est. Bon, c'est de la folie furieuse. Hein, je veux dire, on est sur un volcan. On est sur un volcan. Donc imaginez ça, hein, si on va vers une rétraction, comme je le crois, de 40% de la richesse nationale sur quelques années, pour une population qui continue d'augmenter en raison de l'immigration folle du tiers-monde qui est organisée, vous allez vous retrouver avec un niveau de développement par habitant, si vous voulez, qui va être celui des années 70, quoi. C'est-à-dire on va effacer 40 ans de progrès économique, qui avait été très largement d'ailleurs gonflé par l'endettement. Voilà. Donc je ne sais pas si les gens mesurent exactement ce qui est en train de se passer. Je ne suis pas tout à fait convaincu que ce soit le cas. Je crois que les gens se racontent des histoires, hein, très souvent. Ils se bercent d'illusions, en tout cas, pour beaucoup d'entre eux. Pas tous, mais pour beaucoup d'entre eux. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je ne sais pas si vous pensez que mon constat est juste, mais pour moi, c'est ce vers quoi on va, hein. À mon avis, hein. Oui, on pourrait même être encore un peu plus alarmiste parce qu'il y a le PIB, c'est un des indices importants, c'est vrai, mais le PIB, c'est calculé sur la dépense et c'est la synthèse du PIB du secteur public et du secteur privé. Donc, quand le secteur public, on dit qu'il lui ne bouge pas, voire il augmente, comme tu l'as dit, le poids de l'État dans l'économie augmente encore. Donc, ça veut dire qu'en fait, sur l'année 2020, c'est le secteur privé, notamment bah, l'hôtellerie en particulier, la restauration aussi, etc., mais c'est plutôt en réalité de 20%. Donc, en fait, c'est même avec les faillites qui se profilent ou qui ont déjà eu lieu pour certaines, c'est même encore plus que les 10% hein, dont on parle. Et puis, oui, il y a aussi le prix de l'énergie qui devrait encore beaucoup monter. Il a déjà monté au début des années 2000, alors qu'on avait vendu au départ l'idée qu'il fallait faire de la concurrence, qu'il fallait faire dans un premier temps monter les prix de l'électricité parce qu'on introduisait une concurrence. Enfin, c'est un truc, c'est alors que normalement, quand on introduit la concurrence, c'est pour faire justement baisser les prix, mais bon. Ça a déjà augmenté et avec la fermeture des centrales nucléaires comme celle de Fessenheim, ça devrait encore monter le prix de l'énergie. Donc, et ça va affecter en particulier les plus modestes, évidemment, qui de... et la classe moyenne. Et puis aussi, ce dont on a parlé un petit peu, c'est les denrées alimentaires qui devraient monter puisque les récoltes n'ont pas été bonnes ces derniers temps. Et en plus, des gens comme Bill Gates sont les propriétaires terriens des terres arables, donc, notamment aux États-Unis. Donc, on, et Macron avait vendu d'ailleurs aussi une information que j'ai oublié de mentionner, mais au mois d'avril, il avait vendu des stocks stratégiques de blé de la France. Au plus, quand c'était au plus bas, il a vendu à la Chine, qui en avait besoin. Donc, oui, c'est les nuages noirs s'amoncellent. Ouais, bah oui, c'est, je veux dire, c'est, les zoomers, ils vont, enfin les vingtenaires là, ils vont se prendre ça dans la tête. Hein, va falloir qu'ils se préparent. Hein. Oh, nous aussi, hein, t'inquiète. Oui, c'est tout, c'est collectif, si vous voulez. Bien sûr, c'est vrai, mais tout le monde est pas exposé de la même façon. Mais je suis d'accord, 30 ans et plus aussi, bien sûr. On va dire, les actifs sont dans une situation extrêmement, extrêmement sévère. Mais comment dirais-je, imaginez ce qui va se passer dans un pays comme la France si les programmes sociaux ne sont plus honorés, ou en tout cas pas dans les mêmes volumes. Imaginez ce qui va se passer dans les banlieues françaises, ça va être un carnage, quoi. C'est clair. Ces gens-là ne se tiennent tranquilles que parce que l'État français paye un tribut, d'accord ? Parce que en fait, on se paye de mots, hein. On dit CAF, rénovation urbaine. Subvention, plan banlieue, politique de l'aide, non, mais tout ça, c'est des mots pour pas utiliser le bon terme, qui est le terme de tribut, d'accord ? L'État français paye un tribut à l'envahisseur afro-musulman pour qu'il se tienne relativement calme, hein, c'est relatif, et pour qu'il ne commette pas de violence tous azimuts. Voilà, ça, c'est la réalité de la France aujourd'hui. Alors, si l'État français peut plus honorer son tribut, l'envahisseur va se comporter comme tous les envahisseurs qui ne perçoivent plus de tribut. Ils vont se servir directement sur le pays. C'est-à-dire qu'ils vont piller. Ils vont faire des radias. Bon, c'est une grande tradition algérienne, hein, la radia, donc ça ne devrait pas trop leur poser de problème au plan culturel. Donc voilà, donc si je dis aux gens de... Enfin, je le dis moi, il y a plein d'autres gens qui l'encouragent, mais... C'est vrai que j'aime bien y revenir. Si je dis aux gens, ne restez pas dans les grandes métropoles, ce n'est pas par hasard. Je veux dire. Parce que quand ça arrivera, c'est comme quand le Covid est arrivé. Enfin, le Covid. Le confinement est arrivé. Voilà. Il n'y aura pas de. Vous ne recevrez pas l'avertissement par courrier 3 mois à l'avance. D'accord ? Il y aura une série, un événement, le Covid, le Covid et le confinement a servi de répétition générale à mon sens. Vous aurez un événement un peu similaire qui déclenchera un phénomène de panique, etc., puis un effet domino, et tout d'un coup, vous verrez des scènes ahurissantes dans les villes françaises. N'attendez pas que ça arrive. N'attendez pas que ça arrive. Parce que là, regardez comment ils contrôlent les mouvements de population, comment ils disent aux gens, voilà, vous pouvez pas sortir de chez vous après telle heure. Vous pouvez pas aller en vacances, vous pouvez pas franchir de frontières. Ça va s'installer, ça va être durable. Ils savent que les autorités savent que des troubles graves s'annoncent. Donc ils prennent des mesures préventives en contrôlant les mouvements de population. Ce qui veut dire que si vous ne prenez pas vos dispositions, je parle à nos auditeurs qui ne l'auraient pas fait déjà, je veux dire. Vous vous retrouverez bloqué dans votre quartier multiracial, si vous vivez dans un quartier multiracial, avec des gens, hein, je suis gentil, très louches, très énervés au pied de vos rues, beaucoup plus énervés qu'en temps normal, et qui n'hésiteront pas à vous découper. Hein. Ça, c'est des scènes qu'on a vues dans des tas de pays qui se sont effondrés. Sauf que, parce que si vous vous renseignez sur ce qui s'était passé en Argentine lors de la crise économique, il y avait des, enfin, c'est devenu extrêmement violent, mais c'était un pays qui n'était pas multiracial au sens strict, l'Argentine. Bien moins que la France. Et n'oubliez pas que nous avons une forte population musulmane en France, et que les musulmans sont très agressifs. Donc, quand vous mélangez tout ça, là, vous avez la recette pour un cataclysme, quoi. Donc, moi, je dis, hein, il ne faut pas rester dans les grandes villes. Il ne faut pas rester dans les grandes villes. Je comprends qu'il y a des gens, il y a des gens qui ne peuvent pas faire autrement. C'est difficile, je veux dire, pour des raisons professionnelles, etc. Je comprends. Je l'intègre. Mais attention, l'alternative, parce que ça, c'est encore quand on se projette, oui, je bosse en ville, oui, il y a des difficultés, etc., embouteillage, qualité de vie, tout, oui, mais quand même, bon, pour des raisons professionnelles, je reste quand même là. Oui, mais attention, parce que si dans un an, dans deux ans, tu te retrouves au milieu de l'Afrique du Sud, dans la banlieue lyonnaise ou dans la banlieue parisienne, certains vont me dire que c'est déjà le cas, mais d'une manière encore plus marquée, je sais pas quoi, hein, je veux dire. Je voudrais pas trop développer parce que ça pourrait empiéter sur la discussion qu'on aura en fin d'émission. Mais la seule chance, entre guillemets, qu'on a avec cette histoire de Covid, c'est que maintenant, les gens, on va dire, qui sont dans le tertiaire, qui peuvent bosser de chez eux, je vous en parle parce que je connais un peu ça. Maintenant, le télétravail, c'est rentré dans les têtes. Voilà. Donc, ça vaut au moins le coup de se poser la question, est-ce que j'ai vraiment besoin de vivre dans une grande ville, est-ce que j'ai pas une solution alternative? Voilà. Faut se poser la question le plus tôt possible. Je pense pas que tout le monde puisse arriver à cette solution. Mais en tout cas, une bonne partie des Français mériterait de se poser la question. Et effectivement, comme a dit Gandalf, faut pas attendre qu'il y ait Jumanji, hein, la version de Jumanji, en réel dans vos rues, parce que là, ça sera trop tard. Il y a des cataclysmes, il y a différents facteurs, en fait. Et c'est souvent l'économie, mais il peut y avoir plusieurs facteurs. Il peut y avoir les ressources premières, un événement politique, un événement géopolitique, une guerre, une famine, que sais-je. Il y a différents facteurs. Il suffit qu'il y en ait un seul qui saute, et après, c'est le bordel. C'est quelque chose qui est impossible à prévoir. D'ailleurs, je vous renvoie, pour les plus curieux, à un bouquin excellent qui s'appelle Le Signe Noir, de l'écrivain Taleb, dont je ne me souviens plus le prénom. C'est un Libanais. Et qui explique bien ça, en fait. Les gens qui font des prévisions comme ça, très sécurisées sur l'avenir, se plantent systématiquement. Ouvrez n'importe quel bouquin d'histoire, ça contredit tous ceux qui vous disent « c'est bon, demain, ça sera mieux qu'aujourd'hui, tout va bien ». C'est plutôt « après moi le déluge » qu'il faut voir les choses. Bah, puisque tu citais... Oui, je comptais en parler en fin d'émission, mais autant en parler maintenant, puisque c'est raccord. C'était un témoignage d'un membre d'Europe Écologie Les Brins, du forum, qui s'appelle, dont le pseudo est Kurt Meyer, qu'on salue, et qui explique son installation à la campagne. Donc, je vous le lis, on peut le commenter ensemble. Alors, bonjour à tous, je me suis récemment installé en zone rurale, et j'aimerais vous faire part de mes premiers retours sur l'expérience. Tout d'abord, mon installation est très récente, cela remonte à un mois. Avant, je vivais en zone urbaine grand remplacée dans le centre-ville d'une agglomération de la région parisienne. Étant père d'une petite fille, je ne pouvais envisager de l'élever dans un enfer racial pollué de toutes les manières possibles. Avec ma femme, nous avons donc décidé d'acheter une maison en zone rurale tout en restant à une distance raisonnable de nos lieux de travail respectifs. À ce propos, je me suis vite rendu compte que même si je suis plus loin de mon travail qu'avant, je ne mets que 10 minutes de plus pour m'y rendre. La raison est simple, les 20 km qui me séparent de l'autoroute ne comportent aucun feu rouge et ne sont jamais encombrés. Les gains en termes de qualité de vie sont immédiats. Mon habitation est deux fois plus grande que mon ancien appartement et nous vivons dans le calme. Aucune circulation, ni de dégénérés qui hurlent dans la rue, ni de travaux. De temps en temps, un chien qui aboie ou quelques oiseaux qui chantent. Les paysages qui nous entourent ne sont pollués par aucune barre d'immeubles dégueulasses. À la place, nous avons des forêts et des pâturages à perte de vue. Et puis surtout, nous ne croisons que des blancs. Alors oui, je sais que ce n'est pas forcément le cas de toutes les zones rurales, mais là où nous sommes, les blancs sont ultra majoritaires et en discutant avec des voisins, beaucoup ont fui l'enfer racial des villes. Bien sûr, tout ce confort s'accompagne de quelques efforts. Il n'y a pas de commerce à moins de 4 km et la voiture est indispensable. Il ne faut pas avoir peur de bricoler et de mettre la main à la pâte, mais ça fait du bien de se sortir de la torpeur dans laquelle nous plonge la vie en appartement dans les villes. Pour le moment, toute la famille est ravie de ce changement de vie, et rien ne me réconforte plus que de voir le cours de la future école de ma fille rempli, de la future école de ma fille remplie d'enfants blancs, image qui devient de plus en plus rare dans notre pays. Alors voilà le témoignage donc de Kurt Meyer, qui a franchi le cap en fait. Il a franchi le cap, il a fui les grandes villes, il a fui le chaos racial, il a décidé de partir. Oui, il a pris en compte les temps de déplacement, etc. Ouais, mais il a fait le choix, je pense que c'est un bon choix. Et voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous aimeriez dire par rapport à ce témoignage? Là, le camarade a fait le choix d'être dans un milieu, on va dire, rural, pour les qualifier comme ça. Mais ça peut être gradué. Ça dépend aussi de ce que vous cherchez, de vos besoins. Ça peut être une sorte un mi-chemin entre vraiment la campagne et puis la ville. Moi, je vous le dis en toute honnêteté, hein, je suis le produit de ma génération. Donc, je vous le confesse, je ne sais pas planter un poireau. Donc, je ne vais pas m'installer au fin fond de la brousse. D'accord? C'est pas possible. Par contre, comme je peux bosser de chez moi et que ma nana, ça en fait, ça lui change pas par rapport à son boulot non plus, ça va pas lui changer son quotidien. Et ben, c'est quelque chose. C'est même pas une réflexion en fait, quelque chose qui est enclenché. C'est quelque chose qu'on va faire dans les semaines, dans les mois qui vont venir. Pourquoi rester dans une grande ville dans la situation dans laquelle je suis actuellement, si en fait il y a que des inconvénients et pas d'avantages? Pourquoi rester dans un petit logement? Pourquoi payer cher? Pourquoi faire face à des populations étrangères agressives? Puis même, je comprends l'intérêt théorique de vivre dans une grande ville, d'accord? Mais quel est l'intérêt maintenant, alors qu'il y a des restrictions partout? On peut même parler dans un bistrot, il n'y a plus de restaurant. Donc pourquoi faire? Quelle est la plus-value? Oui, puis maintenant il y a Internet. Alors, on dit ouais, il n'y a pas la fibre partout, ouais, mais il y a quand même Internet partout. Donc c'est pas toujours la super efficacité, mais en campagne c'est beaucoup moins isolé comparativement que en 1980. Ou voilà, c'est le côté paumé. Et puis là, en France encore aujourd'hui, les routes, quand on voyage un peu, on voit que les routes souvent sont de piètre qualité. Encore en France en général, les routes sont encore convenables. Alors évidemment, s'il y a des troubles, il y aura sans doute des brigands de grands chemins, mais comme ça s'est passé en Argentine justement en 2001 lors de la crise. Mais oui, en ce moment à la campagne, il y a énormément d'avantages par rapport à la ville. Et puis même tu parlais de planter des poireaux et tout ça, que c'était pas ton éducation compagnie. Oui, bien sûr, il y a le phénomène générationnel, mais aujourd'hui on peut regarder des vidéos sur YouTube dans lesquelles on peut apprendre des techniques agricoles qui sont très peu coûteuses et qui peuvent être intéressantes. Donc ouais, non, après il faut pas, faut aussi voir ce que les gens ont besoin et ce qu'ils peuvent faire. Enfin, même si je te regarde maintenant 50 heures de vidéos YouTube et que je saurais planter un poireau, je vais te le confier Alexis, je vais quand même pas planter un poireau parce qu'en fait ça me casse les couilles, je te le dis, c'est juste, ça me convient pas, donc faut avoir une réponse graduée par rapport à ce que vous êtes aussi, quoi. Ouais, mais ça te convient pas parce que ton supermarché est plein. Si ton supermarché est vide, crois-moi bien que tu vas très vite te poser la question de savoir comment planter un poireau. Tu vois, c'est les conditions qui fixent un petit peu les règles. Hein. Pour l'instant, on n'est pas dans ce type de scénario. Ça pourrait changer. Et l'avantage de la campagne, justement, c'est d'avoir accès à de l'espace pour justement avoir un jardin, un potager. Durant la deuxième guerre mondiale, dans les campagnes, on n'avait pas faim. Parce que tout le monde vivait et travaillait dans les fermes, beaucoup de gens travaillaient dans les fermes, et ils avaient à manger. Ceux qui avaient faim, c'est ceux qui subissaient vraiment le rationnement, c'était ceux qui étaient dans les villes. Là, pour le coup, ils ne s'amusaient pas. Et ce qui était vrai durant la deuxième guerre mondiale risque de se reproduire en cas de crise très grave et durable. En Europe, ou en tout cas en Europe occidentale. Donc, c'est pour ça aussi que l'avantage d'aller en campagne, C'est de pouvoir avoir un potager, du jardin, etc. Mais il n'y a pas d'obstacle, enfin, je veux dire. Moi, je vois pas d'obstacle, même pas psychologique, à jardiner, je veux dire. C'est au contraire. Oui, c'est pas vu comme un passe-temps aussi, mais ça serait un... Excuse-moi, Merlin, ça serait un juste retour des choses, un côté cyclique, parce qu'il y a un siècle environ, en ville, évidemment, il pouvait y avoir quelques familles bourgeoises, mais une bonne partie des citadins n'étaient pas des gens aisés. Alors, c'est toujours le cas aujourd'hui, vous me direz, mais il y a eu tout ce qu'on appelle l'exode rural, donc les gens qui sont massés dans les villes. Mais il y a des décennies, vous aviez des aristocraties de campagne, un petit peu, enfin des familles dont on savait que c'était des pontes, hein, et qui avaient des propriétés du terrain, et qui et c'était une véritable richesse, et qui avaient des employés de ferme, et qui voilà, c'était les gens de la campagne. C'est difficile de faire une comparaison, mais devaient être en moyenne un peu plus aisés que les gens des villes, je pense. Merlin, vous voulez prendre la parole? Ouais, vite fait, je voulais juste témoigner rapidement sur le sujet, quoi. Moi, j'ai habité 15 ans dans une ferme. J'ai habité ensuite près de 10 ans au fond d'une forêt, une grande forêt isolée. Et ensuite, j'ai terminé sur presque 10 ans également dans un petit village. Et là, en début d'année, je suis parti pour la ville parce que j'avais des contraintes, des impératifs dans une grande ville. Là, j'ai juste envie de crever, en fait, parce que je suis arrivé juste avant tout ce qui vient de se passer, donc le premier confinement, tout ça. Je suis arrivé juste avant, donc j'aurais su, j'aurais attendu avant de déménager, clairement. Alors que tous mes potes qui eux habitent en ville sont revenus chez leurs parents en campagne, alors que moi j'ai pas eu cette possibilité, donc j'ai bien ragé, je rage encore, donc confinement, etc. Également paramètres à prendre en compte, des nègres absolument partout. Des nègres, c'est pour toi, c'est les nègres, c'est même plus les arabes. Exact, c'est ce que j'allais dire. Les Arabes, maintenant, on s'en est pris 60 ans sur la gueule. Les nègres, on a autant de nègres que d'arabes, voire même plus de nègres que d'arabes dans les grosses agglomérations en moins de 10 ans. Donc, je sais pas si c'est parce que Sarkozy au pouvoir, parce que la Libye a ouvert la faille, je sais pas. En tout cas, pour moi, ça coïncide à peu près avec cette période. Les nègres, c'est un cataclysme, mais je pouvais même pas imaginer ça, parce que des nègres, bon, j'ai toujours eu des nègres à proximité depuis gamin. Bon, là, c'est... Mais dans une ville que je connaissais déjà il y a un petit peu 10 ans en arrière, et je savais que c'était pas du tout à ce niveau-là, voire même c'était impensable. Et donc, je me tape ça, plus les confinements. Et oui, dans un espace beaucoup plus restreint au niveau de l'appart. Donc là, moi par exemple, ma prochaine étape, c'est au plus vite me barrer enfin retourner à la campagne, quoi. Et donc je vais juste témoigner, quoi. Ah ouais, non mais ça c'est intéressant. Hein. Toi, oui justement, c'est t'as pas le choix, t'es allé en ville et ouais, t'es à l'agonie et tu veux vite repartir parce que c'est enfin ça corrobore à peu près ce qu'on disait, quoi, que. Ouais, c'est ça. J'ai même pas envie de dire qu'il y a de la délinquance, c'est craignos. Il y a rien de craignos, hein. Je suis pas trop mal situé en plus en ville, hein. Je suis pas loin du centre-ville et tout. Mais c'est juste, non, c'est pas anxiogène. C'est, enfin, au niveau, comme je viens de dire, c'est craignos ou quoi. Ça va très bien. Des nègres à lunettes, des nègres en costard, des nègres partout. Centre-ville, en dehors des centres-villes, enfin, c'est partout, quoi. C'est intégré. Ça, c'est aussi simple que ça, quoi. Oui, mais t'as pas envie de vivre en Afrique. C'est aussi simple que ça, quoi. Ouais, voilà, c'est aussi simple que ça. Vivre en Afrique, racial, tu sais, l'Algérie, c'est un pays plus blanc que la France. Hein. Ouais. Mais c'est surtout, c'est vraiment racial. C'est un paysage racial. C'est pas pour insister là-dessus, mais c'est ça. C'est même pas culturel d'abord. C'est déjà racial. C'est-à-dire que même si c'est des noirs bien intégrés, c'est que des noirs. Il n'y a plus de blancs, en fait. Et puis voilà. Puis deux trois PD qui se baladent au milieu. Bon, c'est l'enfer, quoi. Et puis des petites manifs de boomers aussi, j'ai vu. Je voyais ça que dans des articles, dans des journaux et dans des sites. J'ai vu ça en vrai, des manifs de boomers qui s'agaçaient parce qu'il fallait. Il y avait un seul migrant, il fallait pas l'expulser. Et là, t'avais des tracts partout et tout. Enfin, l'enfer sur Terre, en fait. Mais c'est plus la caricature, maintenant c'est la réalité. Même une caricature nazie qui soutait de la gueule des Français comme quoi ils allaient être parqués par des nègres, en fait c'est vrai maintenant. C'est ça. Partout où tu vas. Et en plus, oui, tu ajoutes certains points centraux aux abords du centre-ville où en plus tu as des campements de nègres sur la gare routière, par exemple. Et c'est là, il s'est même pas délogé, en fait, on comprend pas pourquoi. Enfin, je veux dire, même des gauchias qui pourraient les prendre sous leur aile feraient en sorte de les loger dans des hôtels, peut-être, je sais pas. Non, c'est qu'en plus, faut zigzaguer à certains endroits entre les tentes. Voilà. Et en plus, t'as d'autres endroits où, par contre, t'as que du nègre qui vient de débarquer et complètement agressif. J'ai même vu une agression de bonne femme devant moi alors que je passais par là, alors qu'il y avait du monde aux heures de pointe. Et là, on parle d'une ville moyenne. Alors évidemment, je dirais pas laquelle, malheureusement, mais enfin voilà quoi. Je voulais juste apporter cette précision, mais je ne veux pas exagérer ce que je suis en train de dire. Et c'est le quotidien, c'est pas à certains moments de l'année, c'est pas selon les saisons, selon l'immigration, c'est fixe, c'est acté, c'est comme ça. Il n'y a aucun retour possible, je pense. Donc toi, programme, sortie la plus rapide possible de cette agglomération, enfin de cette ville, quoi. Je vais immigrer, voilà. Prendre mes valises, sous mes petites ailes, je vais battre des ailes le plus fort possible pour me barrer de ce trou à merde. Et donc je conseille à tout le monde de faire ça, à tous les Français qui sont un petit peu conscients de se barrer, même si c'est pas encore la merde, en fait, là où ils sont. Faut vraiment anticiper, ouais, clairement. Oui, c'était ça que c'était un des points aussi. Non, on en revient là. Ouais, il faut anticiper ça. Justement, ça, il faut anticiper. Moi, j'ai vu l'enfer. J'ai passé le portail de l'enfer. Je souhaite revenir en arrière. Et pour les autres, du coup, faut pas prendre ce risque de rester jusqu'à ce que l'enfer surgisse. Il faut se barrer. C'est pour dire que le danger est réel. Et je l'ai vu, je l'ai vécu. Enfin, je le vis actuellement, d'ailleurs. Et moralement, c'est même si je crains pas forcément pour l'intégrité physique, hein, je le redis, moralement, c'est dégueulasse. J'avais même croisé une boumeuse qui m'avait dit, oui, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'étrangers, quoi. Ah ouais, donc c'est dur. Ouais, c'est même. Il y a quand même beaucoup de. Ouais, faut lui répondre, mais ils sont français, madame. Ils sont français. Ils sont aussi français à tel point que, enfin, nous, on le sera jamais, quoi. Nous, c'est fini. Quelqu'un d'autre sur tout ça, Alexis? Ouais. Bah, même si c'est pas dans une optique d'achat à la campagne, si vous n'avez pas les moyens, la location d'une maison en campagne en général est à peu près équivalente, avec un jardin donc, hein, bien sûr, parfois assez grand. La somme est plus modique que la location d'un appartement en ville, hein, en général. Tout à fait. Après, effectivement, bah, il faut se déplacer pour aller, c'est-à-dire dans un premier temps, je pense que ce qu'il faudra faire, si vous avez un emploi en ville, c'est de vous installer en campagne, d'aller en ville travailler parce que vous êtes obligé, puis après, quand ce sera, si c'est vraiment réfléchir si vous pouvez trouver un boulot plus en campagne ou faire une partie de votre travail en télétravail, mais après, quand ce sera véritablement l'apocalypse, là, par contre, de toute façon, il n'y aura plus d'emploi, il n'y aura plus rien du tout, donc voilà, ce sera en tout cas essentiel d'être, comme on l'a dit, à la campagne. Quelqu'un d'autre avant la pause? Non? D'accord. Pause musicale et on se retrouve tout de suite après pour la deuxième partie de Démocratie participative. Il vit sa vie hors du troupeau, déjà vieux pour son âge. Croise celle qui qu'au milieu du dos, son plus beau tatouage. Il vit sa vie comme un djihadi, bien loin des mercantiles. Tu le verras toujours fier de sa peau, c'est là son seul drapeau. Il tape sur des bantous et il n'en laisse rien. Comme il dit, faut des loups pour combattre les chiens. excès démographique du subsaharien. Lui, c'est à coup de trick qu'il gère le trop-plein. Il tape sur les bantous, dérouille les Africains. Il tape sur les bantous, dérouille les Africains. Ouistiti, Mamadou, tout couleur haïtien. Y'a les flics de partout qui le cherchent en vain. Le seul noir à son goût, c'est sa chemise et point. Il voudrait bien mettre en bateau ces gens des terres lointaines. Comme personne veut faire le boulot, il coupe du bois d'ébène. Personne n'y sait bien, né de son bord, marine et tricolore. Politique française que la combine de rabbins et rabbines. Il tape sur les bantous, dérouille les Africains. Il tape sur les bantous, dérouille les Africains. Ouistiti, Mamadou, tout couleur guinéen. Y'a des flics de partout qui le cherchent en vain. Y'a des flics de partout qui le cherchent en vain. Le seul noir à son goût, c'est noir, il n'est rien. Il tape sur les bantous, dérouille les Africains. Il tape sur les bantous, dérouille les Africains. Ouistiti, Mamadou, tout couleur guinéen. Ouistiti, Mamadou, tout couleur guinéen. Y'a des flics de partout qui le cherchent en vain. Le seul noir a son goût, c'est le noir, il n'est rien. Il vit sa vie comme un djihadiste sur sa terre envahie. Tu le verras se réjouir un peu trop quand il prend son marteau. Il tape sur des bantous et rien ne le retient. Il tape sur les bantous et ça lui fait du bien. Comme il défaut des loups pour combattre les chiens. Oui, c'est un coup de trick, il gère le trop plein. Il tape sur des bantous et il n'en laisse rien. Comme il défaut des loups pour combattre les chiens. Comme il défaut des loups pour combattre les chiens. Excès démographique du subsaharien. Oui, c'est un coup de trick, il gère le trop plein. Nous revoici pour cette deuxième partie de Démocratie participative, à saison numéro 6, épisode numéro 6. Sans transition aucune, je vous propose d'aller en Île-de-France. Hein, ce raccord, de toute façon, avec ce qu'on disait. Où les valeurs de la République se renforcent. Vous savez qu'il y a un projet de loi là pour... Comment elle est intitulée ? Alors, il y a le projet de loi contre le séparatisme, mais il y a un autre projet de loi qui s'appelle un projet de loi, je crois, pour le renforcement des valeurs républicaines, un truc comme ça. J'ai oublié le nom. C'est un petit peu étonnant. Enfin bon, tout ça pour dire que voilà, il y a la République va mieux. La République va mieux. Et cet article corrobore le fait que ça va mieux. Ça va mieux. C'est CNews qui cite ça. Ça m'a beaucoup touché. Alors, je vous le livre, hein, cet article. C'est un calvaire que vit Didier Lemaire. Depuis près de 4 mois, ce professeur de philo vit sous protection policière. Il avait publié une lettre ouverte pour défendre Samuel Paty. Aujourd'hui, il dénonce une situation devenue plus que compliquée dans sa commune. Ah oui, de quelle commune s'agit-il, messieurs, roulement de tambour. 4 mois qu'il ne peut plus sortir de chez lui sans se sentir menacé. À chaque fois que je monte en voiture, je vérifie que mes portières sont bien fermées, que je ne suis pas suivi. Je ne veux pas vivre dans la peur. Bah, du coup, c'est raté. Hein. Alors, Didier Lemaire est professeur de philosophie depuis 20 ans dans la ville de Trappes. Hein. Ville de Trappes. En novembre, quelques jours après l'assassinat de Samuel Paty, il publie une lettre ouverte pour défendre l'enseignant, hein, qui, comme vous le savez, a été décapité hein, par un combattant d'Allah de nationalité tchétchène. Il voulait donc dénoncer ce qu'il nomme la menace islamiste dans sa ville, donc à Trappes. Un témoignage qui l'amènera très vite à être insulté et menacé par des individus. La situation est intenable, elle l'oblige à être escorté par la police chaque jour pour donner cours dans son établissement. En 20 ans, il a vu sa ville changer, au point d'être prise, selon lui, aux mains d'un islamisme radical. Il y a 20 ans, tout a commencé pour moi avec l'incendie de la synagogue en octobre 2000. Après ça, il n'y a plus de juifs à Trappes. Maintenant, ce sont les athées et les musulmans modérés qui partent. Aujourd'hui, il tire la sonnette d'alarme. Il en appelle à l'État pour stopper cette haine. On n'a plus beaucoup de temps pour que cela ne dégénère. Avant que cela ne dégénère, quoi. Nombre de ces enfants sont élevés dans la haine de la France. Il nous faut des lois d'exception qui visent l'ennemi et ne s'appliquent qu'à l'ennemi. Désormais, Didier Lemaire n'a qu'une priorité, être muté dans un autre établissement pour quitter définitivement la ville. Voyons, Merlin, on a trouvé un camarade de galère là pour toi. Là. Tu pourrais peut-être l'orienter. Moi j'avais cru, hein, après la mort de Samuel Paty et le discours vibrant d'Emmanuel Macron, que ça y est, c'était réglé, que c'était terminé, que la guerre à l'islamisme radical allait être absolue, définitive, on pouvait quasiment d'ailleurs célébrer la victoire. Et j'apprends, à ma plus grande stupéfaction, quoi, hein, que pas du tout, pas du tout. C'est pas comme ça que ça se passe. Il y a bien une guerre, hein, je confirme. Mais alors, ceux qui la gagnent sont pas tout à fait ceux qu'on nous avait dit qu'ils la gagneraient. Alors, qui veut réagir à cet article? Qui veut réconforter peut-être Didier Lemaire de Trappes, prof de philo, donc homme de gauche, hein, je le précise bien sûr, vous l'aurez compris. Le problème de la France, c'est que les Arabes sont partout. Hein. Voilà. C'est qu'il était agressé par des individus. Et l'article aurait pu dire qu'il était agressé par des jeunes aussi. Voilà. Oui. Mais non, il était agressé par des bougnoules, c'est ça. Mais mon vieux, tu vas être muté, c'est bien, tu vas être muté. Mais tu auras aussi des bougnoules. En fait, partout où tu vas aller, la France, tu auras des bougnoules partout. Donc, s'il peut se renseigner sur l'affaire Mila, bah, il se rendra compte que t'es baisé, gros. Oui, c'est-à-dire que comme il est fonctionnaire de l'éducation nationale, comme il est prof, sa mutation se fera toujours, enfin en tout cas le plus souvent, dans des agglomérations qui subissent le grand remplacement. Donc, il veut être muté pour sa sécurité, mais c'est finalement... quand on se réfère au cas de Mila, hein, comme tu le dis, Pierrot, le déplacement généralement ne suffit pas à résoudre le problème, en fait, hein, parce que le téléphone arabe marche très bien, surtout entre djihadistes, quoi. Hein, donc, à mon avis, sa lettre, il n'a pas fini de... Alors, il dit pas la regretter, mais à mon avis, il va quand même la regretter au bout d'un moment, quoi. Mais ah oui, je suis... Alors, en tout cas, alors, pour en revenir sur l'article... C'est quand même frappant, l'article de CNews, comme il édulcore la réalité, quoi. C'est-à-dire que on parle d'individus qui l'auraient agressé, que sa ville a changé. Ah bon, comment a-t-elle changé cette ville? Il n'y a plus de juifs. Ouais, il n'y a plus de juifs. Ça l'a marqué. Ouais, c'est le seul truc qui l'a marqué. Ouais, il n'y a plus de juifs. Mais comment dirais-je? Non, mais c'est frappant, quoi. Il dit, oui, les athées, les musulmans modérés s'en vont. Ah bon? Et les Français, ils sont où? Qu'est-ce que ça veut dire, quoi? C'est quoi ce baratin, quoi? Faut-il avoir de la merde dans la tronche pour classer, dans une telle situation, les gens en athées, musulmans modérés, juifs? Non, t'as les Français de souche qui ont été remplacés par le tiers-monde dont une grande partie adhère à l'islam. Voilà, donc tu subis une invasion islamique, en bon français. Le type n'arrive pas à dire ça. Le type a l'impression que les musulmans modérés, je sais même pas ce que c'est comme truc, imaginez, hein, le mec est dans la situation où il est, hein, acculé, dans une ville complètement grand remplacée, poursuivi par des barbus. Le type croit encore en l'existence de cet objet non identifié qu'on appelle les musulmans modérés, qui est un sketch de la presse de gauche qui a plus de 20 ans maintenant, quoi. Et le mec y adhère encore, quoi. Il a pas encore fait le travail, tu vois, de reprise de contact avec la réalité en se disant non, mais en fait, il y a que des musulmans, hein. Il y a juste des musulmans, il y a pas de modération par rapport au texte islamique, il y a juste l'islam, quoi. Voilà, tu vois, t'es pas modérément musulman, t'es musulman, tu vois. Enfin bon. Je trouve ça, Rappelons que Samuel Paty a été dénoncé par des musulmans modérés. Voilà. Oui, c'est vrai, c'est juste ce que tu dis. C'est-à-dire que le Tchétchène était un musulman radicalisé qui a demandé à des musulmans modérés le nom et l'identité de Samuel Paty. Et ils se sont exécutés. Et maintenant, ils sont d'ailleurs poursuivis pour avoir donné des informations. Et ils sont, inculpés pour complicité d'homicide, un truc comme ça, quoi, complicité de meurtre. Mais c'est vrai, c'est juste ce que tu dis. C'est juste ce que tu dis. Les gens qui ont donné le blaze de Paty, enfin les musulmans qui ont donné le blaze de Paty, les arabes de l'établissement scolaire n'étaient pas des djihadistes. Et d'ailleurs, si vous vous rappelez des images après l'assassinat, quand les caméras de télé se sont rendues sur place, vous vous rappelez des élèves musulmans qui étaient autour du journaliste, qui étaient hilar, morts de rire, et qui disaient « Ouais, fais voir la vidéo, etc. » Vous vous rappelez de ça? Les mecs avaient sur leur smartphone, ils avaient la photo de la tête du prof. « Ouais, fais voir le prof c'était sur les caméras, quoi. C'était en live. Je sais pas si vous vous rappelez de ce passage-là. Donc voilà, Donc voilà, bon, bah, c'est compliqué. Il y a eu aussi une histoire parallèle dans le Var, je crois, ou dans une commune, dans un collège, il me semble. Le collège aurait pu porter le nom de Samuel Paty, ça a été discuté, mais finalement, le projet a été abandonné. Donc les militants de gauche, finalement, se sont dit « Oui, d'accord, Samuel Paty, mais bon, on voudrait quand même pas être la cible, finalement, on va pas le faire. » Oui, ça, c'était dans le Var, hein. Oui, je crois que c'était à Houillères, dans ce moment. Ouais, oui. C'était le maire de droite qui s'était dit, tiens, je vais prendre une initiative républicaine. Ils adorent la République. Et il avait dit, voilà, on va baptiser le collège en hommage à Samuel Paty de son nom. Et comme tu l'as dit, quoi, hein, les profs ont dit, attendez, pas trop vite quand même là. Pause. On va, monsieur le maire, on va vite oublier ce projet quand même. Ils ont. Alors il y a eu des profs. Ils ont dit les élèves et les parents d'élèves et tout le monde était d'accord. Alors pas pour les mêmes raisons. Les profs, je pense, pour ne pas se faire exécuter. Les élèves et les parents d'élèves, probablement parce qu'ils sont musulmans. C'est donc baptiser l'établissement du nom d'un infidèle, c'était pas possible, à mon avis. Je pense que c'était ça l'ambiance. En tout cas, de cet infidèle-là, hein, qui est un blasphémateur, comme vous le savez. Donc, je sais pas. Mais, je sais pas. Tiens, Alexis, qu'est-ce que t'en penses? Tu penses que la République l'emporte ou elle l'emporte pas tellement, là? Comment tu vois ça, toi? Ah, la République, en deux mots, je ne sais pas, mais bon, en tout cas, ce qui est, bon, j'ai envie de faire un parallèle aussi avec, c'est peut-être dans la région d'Angers, il y avait comme ça une cour d'école primaire, et en réalité, aux abords de cette cour d'école, il y avait en fait une ancienne petite statue de la Vierge Marie. Et le fait est que des élèves à certains angles de la cour pouvaient voir de visu la Vierge. Et là, ça a été considéré comme une atteinte à la laïcité, ce qui fait que finalement, des gens, des laïcars de gauche, on fait pression pour que finalement le monument ne soit plus visible. Je sais plus, ils l'ont pas détruit, mais enfin en tout cas, ça a été pris très au sérieux. Hein. Il faudrait quand même pas que, il faudrait quand même pas que des élèves dans une cour d'école quand même qu'ils entrevoient un petit peu une statue de d'un des symboles essentiels de la France chrétienne. Ce serait quand même un petit peu dommage. Quoi. Et un petit peu, il pourrait quand même. La France est en péril. Là. Ouais, là on les entend beaucoup. Hein. Faible avec, comment dire, fort avec les faibles, faible avec les forts, hein, c'est ça, c'est la médiocrité, quoi. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est ça. L'histoire de Samuel Paty, à l'origine, c'est pas un prof qui a agressé les Arabes avec, en voulant leur inculquer de force la laïcité républicaine, je sais pas trop quoi, et des Arabes se seraient offusqués, quoi. Si, si, c'est ça. Alors, ouais, mais non, mais c'est une bonne description, c'est exactement ça. Mais t'as un petit prof de philo, quand même une petite canaille, qui se permet de remuer le couteau dans la plaie, en fait, avec sa lettre ouverte à la con. Voilà. Et il s'étonne que ça réagisse en face, donc, alors qu'il y a déjà une décapitation, quand même. Là, il va s'étonner que ça. De se faire courser par des barbus. Non, mais attrape, je veux dire. Attrape, quoi. Je veux dire, non, mais. J'ai eu des connaissances personnelles qui ont été profs à Trappe. Bon, ils me racontaient ce qui se passait. Enfin, c'était pareil, hein, un prof que je connais personnellement, quoi. Et qui n'est pas du tout de droite à l'origine. Hein. C'était un jeune prof, jeune prof. Et il s'est retrouvé là-dedans. Et donc pas d'idée arrêtée sur l'immigration, rien, pas de rien. Alors là, il a vécu l'enfer, vraiment, vraiment. Hein. Non pas que lui cherchait à essayer d'inculquer, je sais pas quoi, la laïcité, quoi, mais simplement, il y avait pas de blanc, hein, faut comprendre. Hein. C'est des établissements scolaires, il y a pas de blanc. Mais il me racontait l'ambiance crépusculaire qui prévalait dans cet établissement scolaire. Donc de la ville de Trappe, totalement remplacée, avec le personnel éducatif, comme on dit, hein, de gauche, hein, bien sûr, beaucoup de femmes, qui n'entravaient rien, c'est-à-dire qu'elles ne voyaient pas l'éléphant au milieu du salon, qui était le grand remplacement, le remplacement de population intégrale, quoi. Elles ne voyaient rien, elles étaient dans une espèce de démarche, comment dirais-je, de pédagogique et sociale pour aider les élèves. Non, t'as juste l'Afrique en face de toi et des musulmans de plus en plus agressifs et hostiles. Et alors, le truc qui était marrant parmi les anecdotes qu'il m'avait expliqué, c'est que il y a une école islamique dans la ville, un genre d'école coranique en fait. Je sais pas comment elle est organisée, je pense que ça doit être associatif, bref. Et en fait, l'école. Cette école coranique refuse du monde. Ils n'ont pas assez de place en fait. Et il me disait que son établissement à lui était en sous-effectif en ce qui concernait les élèves. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas assez d'élèves. Il manquait d'élèves. Donc il me disait voilà, il y a une école coranique à deux pas de là où on est, ils refusent du monde et nous on manque d'élèves quoi. On manque d'élèves. On pourrait en accueillir plus. Alors, puis il me racontait, en fait, la bougnoulisation de la ville par la mairie, etc. Enfin, c'est très avancé, bien sûr, quoi. Mais les changements de nom de rue, voilà, de mettre des bougnoules d'Égypte ou de machin pour faire plaisir à la faune locale. Voilà, enfin, ce genre de trucs, quoi. Il me disait, c'est complètement délirant. Bon, il en est sorti, finalement, quoi. Hein. C'était ahurissant. Et il en est sorti. Donc, mais il avait quand même, je veux dire, il avait quand même compris, il avait quand même intégré le fait que il était en territoire étranger et qu'il n'était pas question de s'amuser à provoquer d'une façon ou d'une autre les élèves, même sans s'en rendre compte, hein, comme Samuel Paty en fait, hein, qui était un autiste. Hein. Paty était un autiste, hein. Il n'a même pas compris où il se trouvait, quoi. Et avec son cours sur la laïcité, le type a cru que Charlie Hebdo, c'était encore d'actualité, etc. Il n'a pas du tout pigé au milieu de quoi il évoluait. Hein. Et ça a payé tout de suite, quoi. Hein, je veux dire, il y a un Tchétchène qui a chopé son numéro et il s'en est occupé, hein, c'est tout. Hein. Et il y avait un autre gogol qui n'avait pas compris où il se situait, c'est Didier Lemaire, là, le mec de Trappe, prof de philo, tu vois, donc le type de gauche qui doit lire Libération et tout. Le mec, tu sais, il croit à l'idéologie du régime, tu vois, il croit à la laïcité, tu vois, toutes ces conneries, quoi. Et le type, là, il vient de se prendre un retour, il vient de se prendre la réalité dans la tête, alors que ça fait 20 ans qu'il y est, tu vois. Ça fait 20 ans qu'il est là-bas, donc il aurait quand même dû être au courant, tu vois. Non, non, le mec, il s'est dit, ouais, je vais faire un truc sur la laïcité pour lutter contre la haine, tu vois. Ouais, non. Les barbus l'ont dit, toi, Coco, si on t'attrape, on te raccourcit, quoi. Bon, bah voilà, quoi. Il a pris les musulmans pour des Français, quoi. Alors que les musulmans sont musulmans, donc ça touche. Oui, voilà, c'est, je pense que le problème est bien posé, oui, effectivement. Voilà, il a pris les musulmans pour des Français. C'est tout à fait ça. Enfin. S'il veut poursuivre, excuse-moi, sa démarche philosophique jusqu'au bout d'origine des textes, il se dit que peut-être l'origine du Coran, que Mohamed aurait fait rédiger par un rabbin. Hein, c'est ce qu'il se dit. C'est l'hypothèse d'un des traducteurs du Coran, Sami Al-Deb, qui n'est pas musulman, bien qu'il ait traduit le Coran dans plusieurs langues. Et c'était aussi ce qu'avait dit un prêtre français au XIXe siècle, Père Bertuel ou Bertuet, que c'était une création de juifs, en fait, hein, que des rabbins, donc des gens de lettres rabbiniques, des juifs, ont participé à la rédaction du Coran. Je pense que ça plaira beaucoup aux musulmans de Trappe d'entendre ce genre d'hypothèse aussi. Je crois pas qu'il a envie de se livrer à ce travail d'exégèse, hein. Je suis pas certain. C'est dommage d'ailleurs, c'est une vocation là. Mais il peut quitter Trappe, hein. Je veux dire, comme Mila, ça sert à rien. Je veux dire, voilà, hein. Il y a une fatwa, c'est tout. Hein. Pas se mentir. Ah bah, à partir du moment où son nom est connu, c'est sûr que là, il aura beau aller, il faudrait qu'il se fasse muter à l'étranger, ou alors qu'il fasse des cours du CNED à distance. Là, pour le coup, le télétravail, ça pourrait lui être utile. Hein. Là, le Covid-19, ça tombe à pic pour lui. Hein. Oh mon Dieu. Enfin bon, enfin, je ne sais pas si les gens croient à tous les discours des dirigeants politiques, de Macron et des autres. Hein. Les grands serments sur la laïcité, bon, mais c'est strictement réservé au plateau de télévision, hein, pour endormir la population. En réalité, sur le terrain, dans ces villes-là, c'est perdu. Hein. Je veux dire, les territoires sont occupés à 100%. Les derniers blancs rasent les murs, voilà. Enfin, c'est des bastions islamistes. Hein. C'est bon. Et regardez, hein, CNews a eu une CNews. Hein, ils sont même dans cette situation-là, ils sont encore en train d'édulcorer. Ils disent oui, il est intimidé par des individus. Tu vois, tu sais même pas qui, quoi. Bon. Enfin, vous avez compris. Des jeunes. Ouais, des jeunes, ouais, des jeunes. Excuse-moi, une discrimination anti-jeunes quand même assez terrible, parce qu'on nous dit qu'il ne faut pas faire d'amalgame, mais là, quand même, des jeunes qui pourraient se sentir... bon. C'est pas faux, ça. Alors, mais vas-y, Fulbert. Petite remarque en passant. On parle beaucoup, certains, de racines judéo-chrétiennes. Et ce qui vient d'être dit, là, est-ce qu'on ne devrait pas plutôt parler de racines judéo-musulmanes? On va peut-être répondre, ça. Si, certainement, bien sûr. C'est le sémitisme, quoi, bien sûr. Ah oui. Bien senti. Alors, messieurs, je vous propose de passer à la rubrique suivante. Le sale juif de la semaine, brièvement, Stéphane Manigold. Manigold. Alors, une créature médiatique créée de toutes pièces par des gens, par les gens de BFM TV, principalement. CNews aussi, propriété donc de Bolloré Goldschmidt, pour ceux qui ne sauraient pas. Et alors, Manigold, c'est officiellement un restaurateur, hein, qui est le responsable du collectif Restons Ouverts. L'idée, c'était de dire, voilà, il y en a marre du confinement, il y en a marre des mesures indiscriminées qui empêchent l'activité économique de se poursuivre, notamment dans la restauration, bien évidemment. Et il y avait un appel à rester ouvert, hein, dont le nom du collectif, qui était mené par ce juif, Stéphane Manigold, hein, qui a d'ailleurs vraiment une tête de juif. Il a une tête de commissaire politique bolchevique. C'est quand je me réfère à la révolution bolchevique, je regarde les têtes des commissaires politiques. C'est marrant, il a la même tête. Avec ses lunettes rondes, là, il a vraiment une tête de commissaire bolchevique. Alors, donc, il appelait les restaurateurs, hein, voilà, à ouvrir. Et au 1er février, je ne sais pas si vous avez suivi ça, le 1er février, il y avait eu un appel à ouvrir les restaurants illégalement. Vous vous rappelez de ça? Et là, on l'a vu sur tous les médias en disant non, non, non, il ne faut surtout pas ouvrir. Il avait dit, donc Manigault avait dit, il les appelait à ne pas se mettre en infraction. Donc le chef du collectif Restons Ouverts appelait les gens à rester fermés. Hein. Alors, il était chez Morandini et il s'est clashé très violemment avec Philippot. Je ne sais pas si vous avez suivi ça. Philippot, pour le coup, hein, depuis le Covid, il a fait quand même, je trouve, un bon travail, Florian Philippot. Il essaye de se racheter, de racheter son âme, c'est bien. En dénonçant en fait l'imposture sanitaire. Il a parlé de beaucoup de choses, hein, Gret Risset, etc. Franchement, Philippot a dit à peu près tout là-dessus, et c'était bien. Et il a été face à Manigold, et il a dit, bon, bah, votre truc, c'est une farce, quoi. Vous auriez dû appeler votre collectif, restons fermés, et puis voilà, quoi. Vous savez ce que vous êtes? Oui. Vous êtes un résistant de pacotille qui tire dans le dos des vrais résistants. Ah bon? Parce que ça fait des semaines que vous faites votre petite com, votre petite promotion personnelle sur tous les médias, en disant, je crée un collectif qui s'appelle Restons Ouverts. Oui, absolument. Ah, le jour J, vous êtes juste resté fermé. C'est dommage, fallait le rebaptiser Restons Fermés. Tout le monde dit que vous êtes un guignol. Que vous avez dit restons ouverts et le jour J vous êtes fermés. Enfin, vous vous rendez compte du niveau du. Et le juif était mais particulièrement perfide, narquois et agressif quoi. C'était très très très drôle parce qu'en fait l'imposture a été révélée. En fait c'était un agent gouvernemental. Hein. C'était un agent du système pour contrôler l'opposition, ce qu'on appelle traditionnellement l'opposition contrôlée. Alors, est-ce que quelqu'un veut me parler un peu de ce juif Manigold? Est-ce que tu as, par exemple, Alexis, est-ce que tu l'as vu dans ses œuvres, le juif Manigold? Bah, j'ai regardé l'intégralité du débat, peut-on appeler ça encore un débat, c'était un pugilat avec Philippot, là, et c'était l'agression verbale, là, on était à deux doigts de l'agression physique. Hein. Mais je ne connaissais pas avant, mais effectivement, c'est le président officiel de l'association qui s'appelle Restons Ouverts. Donc, il prétend militer depuis un an environ pour que les restaurateurs puissent avoir des aides, etc. Et son argument principal, c'était de dire que la jeune restauratrice qui avait ouvert son restaurant et que Florian Philippot était allé voir était mise en danger parce qu'elle allait perdre toutes ses aides à cause de Philippot qui, soi-disant, ne serait là que pour se faire de la publicité. Alors que Manigold, bien sûr, n'est pas là pour se faire mousser, n'est pas là pour se faire connaître, évidemment, alors que personne ne le connaissait juste avant. Donc oui, c'est un individu perfide, grossier personnage, a dit Philippot. Enfin, il y a eu des mots très durs. Hein. Manigold a dit à Philippot que c'était une brêle, que c'était un incapable. Enfin, il y a eu des c'est allé très, très, très loin. Hein. C'était absolument incroyable. Quoi. Il n'y a pas eu vraiment de réflexion posée. Quoi. C'était très compliqué. Hein. Moi, j'aurais dit à Manigold, j'aurais dit, Manigold, vous savez ce que vous êtes? Il m'a dit, ouais, quoi? Vous êtes un sale juif, Manigold. Vous êtes un sale juif. Vous êtes vraiment un sale juif. je pense qu'on aurait pu clore le débat comme ça, quoi. Le commencer et le clore comme ça. Mais c'est ça. Je veux dire, il faut voir les juifs en action. Il ne faut pas se contenter, parce que si les gens ne n'apprennent pas à repérer les juifs, surtout sur les plateaux de télévision, parce que BFM TV et CNews, c'est contrôlé par les juifs. Hein. Bon, donc ils les choisissent. Et ils avaient voulu créer une figure médiatique qui ne soit pas dangereuse. C'est une fausse opposition pour contrôler justement un mouvement de colère possible des restaurateurs, forcément. Et ils l'ont choisi soigneusement. Et pour s'assurer qu'il soit du bon côté, ben ils l'ont pioché dans la tribu. Hein. Ils sont pas fous les mecs. Et c'est pour ça qu'il suffit pas de se contenter. Parce que je regardais les réactions, les gens disaient ah ouais mais c'est un agent de Macron, etc., etc. Alors oui c'est un agent du gouvernement, mais c'est d'abord un agent des Juifs parce que c'est un Juif. Et il serait peut-être temps quand même que les gens dépasse un peu la critique superficielle en disant ouais, c'est un macroniste, c'est un agent de Macron, etc. Pour franchir l'étape suivante, en disant oui, c'est surtout un sale juif. C'est surtout un sale juif qui ment. C'est un menteur juif. C'est une bouche menteuse juive. Et je regrette hein, que Florian Philippot, qui en plus a une audience quand même très restreinte, parce qu'il a un petit parti et tout, bon, voilà, il n'a pas tellement espoir de... je pense qu'il devrait mettre à profit sa présence pour dire, oui, pour dire les choses telles qu'elles sont, quoi. Ça aurait été plus marrant. Alors vous allez me dire, après, il n'aura plus accès au plateau de télévision, c'est vrai. Mais enfin, bon... un one shot, c'est pas mal aussi, quoi. Je veux dire, ça... Ouais, mais au bout d'un moment, il faut quand même les désigner. Il faut quand même les désigner, parce que ce que disait Goebbels, hein, vous pouvez traiter un juif de n'importe quoi, hein, le traiter d'être un escroc, un scélérat, un menteur. Là, ça glisse sur lui comme l'eau sur le plumage d'un canard. Mais vous l'accusez d'être un juif, et là, tout d'un coup, il recule en hurlant de douleur et il se dit « Je suis découvert ». Voilà, c'est ça le truc en fait. Il faut l'attaquer le juif. Il ne faut pas se défendre contre le juif. Il faut l'attaquer. Et on l'attaque comment ? En le désignant comme juif. Une fois qu'il est dévoilé, il est neutralisé le juif. Vous voyez ? C'est, les juifs sont comme les vampires. Ils ont horreur de la lumière du jour. Ils ne peuvent pas opérer, sous la lumière du jour. Vous voyez ? Ils ont besoin de la pénombre hein, pour commettre leurs crimes. Et puisque je parle de pénombre, est-ce que vous saviez que Jack l'Éventreur était un juif ashkénaze ? Vous ne saviez pas ? Oui. Certains ne devaient pas le savoir, ouais. Bon, bah voilà, Jack l'Éventreur était un juif. Vous pouvez vérifier hein, ce que je dis, absolument corroboré par les recherches les plus récentes. Hein. Bon, voilà. Alors, ouais, Alex, donc, qu'est-ce que tu retiendrais, toi, de l'échange avec Philippot ? Enfin, le violent échange avec Philippot, qu'est-ce que tu voudrais en dire ? Bah, je dirais que dans Manigold, il y a gold, hein, qui veut dire en anglais comme en allemand l'argent, enfin, l'or. Hein, donc, je sais pas d'où vient ce patronyme. Si le mot manie est à prendre comme en français, il a la manie de l'or. Finalement, peut-être c'est Manigold. Mais non, bah, je pense que le fait que Philippot déclenche une telle haine de la part d'un agent du pouvoir, comme tu l'as dit. Hein, eh bien, le fait que bah, ça prouve sa pertinence. Hein. Je crois que sur ce sujet-là, en tout cas, du Covid-19, Philippot a été efficace. Et il a dit ce qu'il fallait dire. Et je pense que lui a été attaqué, bien qu'il soit toujours invité, mais il est quand même très attaqué lorsqu'il est invité. Ça permet aussi aux médias de faire un peu de buzz comme ça. Oui, je pense que la pertinence d'un discours de la critique se montre, se prouve. Par les torrents d'insultes qui sont déversés sur cette personne. Quand Montagnier avait dit que le Covid était le fruit d'une manipulation de laboratoire, des gens dont on a parlé tout à l'heure, comme Laurent Alexandre, lui ont craché à la gueule, ont dit qu'il fallait le faire taire, alors que le type est quand même prix Nobel. Fortillan aussi a été mis en hôpital psychiatrique après ses accusations concernant l'Institut Pasteur. L'Institut Pasteur qui n'a pas démenti les accusations en tant que telles, hein, qui n'a pas dit qu'il racontait n'importe quoi, mais qui a cherché quand même en douce, avec l'aide du pouvoir, à le neutraliser. Donc je pense que ces gens-là, ils peuvent commettre à la marge des erreurs, mais ils ont visé très juste sur certains points. Et Philippot fait partie de ces gens-là. Moi, je voudrais dire un truc sur l'échange entre Manigold là, et Philippot, c'est que Manigold est censé être un opposant au confinement pour les restaurateurs, d'accord ? Donc c'était ça son positionnement. Et l'échange très très très violent chez Morandini entre Philippot et Manigold, c'était Manigold qui reprochait à Philippot d'appeler les restaurateurs à ouvrir. Et là, c'était une caricature de menteur juif, c'est-à-dire que le même juif en 24 heures parlait mais avec le même aplomb contre le déconfinement pour les restaurateurs, après avoir appelé à ouvrir les restaurants. Vous comprenez ? Ces juifs n'ont absolument aucun scrupule. En 48 heures, en 24 heures, ils peuvent vous dire exactement l'inverse de ce qu'ils disaient la veille. Et sur ce plateau de télévision, c'était ça. Il fallait voir l'agressivité du juif Manigold. C'était absolument absolument frappant de le voir se déchaîner, quoi, comme s'il avait toujours défendu le confinement. C'était ça, il s'en prenait violemment à Philippot en lui reprochant d'appeler les restaurateurs à ouvrir. Alors, ça aurait été acceptable, entre guillemets, si ça avait été un représentant du d'En Marche, par exemple, ou quelqu'un qui se serait fait connaître pour avoir toujours défendu le principe du confinement. Hein, on se serait dit, bon, bah, c'est logique. Mais là, non. Là, c'était vraiment le type qui se fait connaître médiatiquement, enfin, qui est mis en avant par les médias juifs pour incarner une pseudo-opposition au confinement, et en 48 heures, le type devient un violent apologète du bouclage total des restaurants, menaçant au passage les hommes politiques qui veulent s'exprimer contre le confinement. Je veux dire, il n'y a qu'un juif qui peut faire ça. Donc je me suis dit que c'était tellement... c'était un cas d'école, quoi, d'effronterie juive et de mensonge juif. Donc voilà, quand vous voyez le juif Manigold, votre détecteur doit s'allumer, vous dites attention, escroc juif, hein, attention, escroc juif, mensonge juif. C'est très important. Vous voyez, regardez bien, hein, les 24 heures, c'est tout ce qu'il faut. Et ils parleront avec le même aplomb, la même assurance, la même chose. Quelqu'un d'autre peut-être là-dessus, ou on passe au sujet suivant? On va rester sur le thème de l'effronterie juive avant de nous séparer. Devoir de mémoire, rubrique, dernière rubrique, Ouest-France. J'espère que ça va vous plaire. Fulbert, j'espère que ça va te plaire. Alors, l'acte d'accusation incrimine celle qui était adolescente à l'époque de complicité de meurtre dans plus de 10 000 cas. Dans d'autres cas, elle est poursuivie pour complicité dans des tentatives de meurtre, écrit le parquet d'Itzehoe, nord-ouest de l'Allemagne, dans un communiqué. Il s'agirait de la première femme jugée dans une procédure judiciaire concernant les atrocités nazies, alors que plusieurs hommes ont été poursuivis ces dernières années par la justice allemande. Le ministère public lui reproche d'avoir, entre juin 1943 et avril 1945, apporté son aide aux responsables du massacre systématique de prisonniers juifs, de partisans polonais et de prisonniers de guerre soviétique russe dans sa fonction de sténographe, hein, et de secrétaire du commandant de l'ancien camp de concentration du Stutthof, situé à 40 km de la ville de Gdansk, aujourd'hui en Pologne, donc Danzig, hein. Dans la mesure où certains prisonniers ont survécu à leur séjour dans le camp malgré les conditions hostiles, certains des actes doivent être évalués judiciairement comme une tentative de meurtre, précise le parquet. Celui-ci n'a pas précisé le nom ni l'âge de l'accusé, qui devrait cependant avoir plus de 90 ans. Adolescente, entre 1943 et 1945, elle sera éventuellement jugée devant une cour spéciale pour mineurs. Ouais. La tenue d'un procès n'est toutefois pas encore assurée. La justice doit d'abord décider si, en raison de son grand âge, elle est apte à être renvoyée éventuellement devant un tribunal. Alors là, on fait vraiment, vraiment, vraiment les fonds de tiroir. Hein. Les juifs font les fonds de tiroir. Je dois dire que j'étais surpris. J'étais habitué, hein, aux nonagénaires, je veux dire, aux gens de 98 ans qu'on traîne dans un procès en fauteuil roulant parce que ils ont, comment dirais-je, ils ont à un moment donné fait le planton devant une porte d'entrée. Mais alors là, quand même, c'est fort. Je veux dire, l'adolescente sténographe poursuivie pour génocide par machine à écrire, je ne m'attendais pas à ça. Qui veut réagir là-dessus puisqu'on en est à dire du bien des juifs, autant y aller, quoi. Je veux dire, pas de raison de se retenir. C'est pas, il y a des nazis du coup qui justifieraient une politique de mise en garde contre le racisme, etc. C'est, il y a une propagande holocaustique et aujourd'hui il faut encore essayer de la justifier en faisant les fonds de tiroir avec des méchants, quoi, des nazis. Ils ont rien trouvé de mieux qu'une bonne femme qui, en plus, c'est une femme, hein, et secrétaire, elle était pas sonteur commando ou je sais pas quoi. Adolescente. Oui, adolescente, oui. Mais elle était secrétaire, je veux dire, elle n'était pas... je veux dire, c'est les hommes qui font la société dans laquelle les femmes sont contraintes d'évoluer, en fait. Donc, il n'y a même pas une circonstance atténuante, quoi. C'est vraiment de la dégueulasserie. J'ai envie de dire ça juif, mais également c'est également la justice allemande aussi son état quoi, actuellement. Bah, qui sont intégralement, la justice allemande aujourd'hui est une justice juive. Hein, ils sont aux ordres de l'État d'Israël, hein, ni plus ni moins. Comment dirais-je ? Oui, c'est ce que tu as dit, c'est-à-dire que Nuremberg avait soi-disant été un procès organisé pour lutter contre les nazis, ou parachever la lutte contre les nazis, comme ils les appelaient. Et maintenant, en fait, c'est l'inverse, c'est-à-dire que il faut maintenir l'appareil et il nous faut des nazis, impérativement, il faut en trouver quelque part. Alors là, ils en sont vraiment réduits, aux dernières extrémités. Dans quelques années, il y en aura plus, pour des raisons simplement biologiques. Même si, avec les Juifs, on n'est jamais à l'abri d'une surprise, il n'est pas impossible qu'ils traînent en justice, quelqu'un qui aura 108 ans dans une dizaine d'années, qui avait 12 ans au moment des fêtes. Enfin bon, franchement, ils sont prêts à tout. Hein. Ces gens sont des démons. Mais pourquoi j'insiste sur ce point, c'est qu'il ne va plus y en avoir bientôt. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire ? Pour faire l'actualité, de cette propagande-là, je veux dire, parce que c'est ça, ils auront plus de survivants, soi-disant, ouais, là, les survivants, il y en a quand même beaucoup, hein. Mais comment ils vont faire ? Parce que pour eux, dans leur esprit, c'est censé jamais ne s'arrêter, c'est ça qu'il faut savoir, c'est pas censé s'arrêter avec la mort des protagonistes, la mort des témoins, comme ils appellent, ils ont des témoins qui n'ont rien vu, enfin bon, des témoins officiels. En tout cas, c'est censé se poursuivre tout le temps. C'est censé se poursuivre dans 50 ans. C'est censé se poursuivre dans 100 ans. D'accord ? À aucun moment, les mecs disent « Ouais, bon, voilà, alors quand tout le monde est mort, de cette époque, on arrête. On arrête, voilà. On tourne la page, etc. » Non, c'est pas du tout prévu. Non, le nazisme, c'est juste un prétexte de circonstance là, qui commence à se faner maintenant. Maintenant, il y a le Covid, et puis bientôt, il y aura les puces. Donc, on va passer à d'autres choses. Bah, autre chose, ça pourrait, par exemple, moi, j'ai remarqué ça, c'est que vous avez des juifs du genre Raphaël Glucksmann, lui et d'autres, BHL aussi, qui veulent sauver, non pas des survivants, mais des déportés, des persécutés. Les musulmans ouïghours, par exemple, c'est un de leurs nouveaux combats, hein, pour certains juifs. De même, d'ailleurs, plus récemment, façon de parler, avec les événements du Myanmar, ils veulent sauver aussi les musulmans rohingyas. Voilà des juifs qui se précipitent au secours des musulmans rohingyas et ouïghours, donc chinois et birmans. Enfin, birmans, pas tout à fait, mais bref. Et, je sais pas, moi, peut se demander pourquoi ces juifs, d'ailleurs, ils ont oublié quelque chose. Ils ont oublié qu'il y a les Palestiniens musulmans qui sont aussi persécutés. Malheureusement, ils n'interviennent pas. C'est étonnant, non ? Mais enfin, ils ont trouvé ça comme nouveau combat, entre autres. Oui, c'est vrai, bien sûr. Oui. Comme le village d'Emmaüs, les gens connaissent ce nom parce que c'est là où on peut récupérer des affaires pour pas très cher, des affaires d'occasion, mais Emmaüs, c'est le nom d'un village palestinien qui a été intégralement rasé par des chars israéliens. Mais c'est sûr. Mais oui, mais il y a quelque chose de l'ordre de l'exception autour du Troisième Reich et de la Shoah, donc ça touche au caractère religieux comme on l'a déjà vu, évidemment, notamment avec Vincent Renoir. Mais justement, moi je voudrais parler un petit peu de la désobéissance civile, c'est-à-dire que justement, dans ce cadre du confinement, avec les restrictions sanitaires dont on parle, on dit oui, certains disent oui, il faudrait faire un peu de désobéissance civile parce que le gouvernement va contre notre intérêt, donc il faudrait ouvrir les restaurants, etc. Puis après, vous avez justement Manigault qui vient dire oui, moi je fais pression pour qu'on réouvre, mais ça doit se faire dans le cadre de la loi. C'est-à-dire que, en fait, il prétend influer un gouvernement qui, en réalité, qui n'en a rien à faire de lui. C'est simple, lui n'est qu'un agent, c'est pas lui qui peut faire pression. Mais justement, dans le cadre du Troisième Reich, pourquoi est-ce qu'on inculpe cette adolescente de l'époque, qui est aujourd'hui une dame âgée, très âgée, parce que donc elle n'a pas fait de désobéissance civile, parce qu'elle aurait obéi aux ordres. Mais il faut savoir que ne pas obéir aux ordres, par exemple, lors de la Première Guerre mondiale, si vous étiez un soldat de 20 ans et que vous vouliez échapper au massacre certain, si vous étiez rattrapé, vous étiez fusillé. Enfin, je veux dire, il n'y avait pas de... Enfin, normalement, faire preuve de désobéissance civile, ce qui est précisément condamné aujourd'hui par le gouvernement français, qui interdit toute désobéissance. Alors, on interdit toute désobéissance dans le cadre actuel où, historiquement aussi, ça a été souvent très compliqué de ne pas respecter la loi. Mais par contre, dans le cadre du Troisième Reich, il fallait à tout prix que les Allemands n'obéissent pas au parti qui était au pouvoir, hein, légalement d'ailleurs. Oui, oui, c'est le double discours, effectivement, sur ce sujet-là de l'obéissance à la loi et l'obéissance à l'ordre établi. C'est très très frappant de voir en fait que les mêmes disent qu'il faut, enfin les entendre prêcher la légalité d'une part et les voir juger carrément hein, des nonagénaires pour des faits imaginaires hein, au motif qu'ils auraient dû se rebeller comme si une secrétaire adolescente aurait dû se rebeller contre les autorités. Enfin, bon, suffit d'y penser une minute pour voir qu'on a affaire à des fous. On a affaire à des fous qui, eux, par contre, ne tolèrent pas un instant qu'on remette en question leurs oukases, leurs décrets, leurs ordres. Hein. C'est évident, hein, dès que vous vous amusez à contester. Pour des choses beaucoup plus triviales. Pour des choses beaucoup plus triviales. Parce que le camp en question était un camp de prisonniers qui supposait des camps de prisonniers, notamment politiques. Donc des gens qui étaient impliqués dans des, notamment des communistes, qui étaient impliqués dans des activités à caractère terroriste, c'est évident. C'est une question de sécurité nationale, hein. Donc ce camp de prisonniers à l'époque. Donc imaginez une fille, une adolescente, une secrétaire qui se rebellerait contre la direction d'un camp qui est interne, des gens qui ont été arrêtés dans le cadre d'activités politiques probablement violentes. Bon, je veux dire, c'est absolument inaudible, quoi, dans le contexte de l'époque. Et aujourd'hui, les mêmes ne tolèrent même pas qu'on ouvre un restaurant. Vous êtes même pas censé pouvoir défier le gouvernement en ouvrant votre restaurant, sinon la police arrive et les menaces s'ensuivent. Donc c'est tout à fait drôle de les voir exiger d'adolescentes, dans des circonstances exceptionnelles, un courage, enfin entre guillemets courage, hein, je me place dans leur optique, un courage hein, et braver carrément un gouvernement qui se retrouve d'ailleurs en plein milieu d'une guerre, non, tout en ne tolérant pas bien évidemment chez eux en temps de paix pour faire face à un virus dont on a déjà parlé hein, comme de sa réalité. Bon, c'est double discours. Permanent. Avec Bernard-Henri Lévy, par exemple, excuse-moi de te couper, Bernard-Henri Lévy, par exemple, qui avait dit que les gens qui portaient plainte contre le gouvernement parce que les mesures n'étaient pas adaptées ou parce que ceci, parce que cela, les gens qui s'attaquent aux décisions gouvernementales sont des poseurs de bombes, avait-il dit. Donc là, je sais pas, c'est quelqu'un qui a fait bombarder des pays entiers sur la base de d'allégations qui se vantent d'avoir convaincu Sarkozy d'attaquer la Libye de concert avec Obama et avec le gouvernement britannique de Cameron à l'époque, je crois, et d'avoir déstabilisé des continents entiers, et en fait, porter plainte contre le gouvernement parce qu'il aurait fait quelque chose qui n'était pas dans les règles, non, là, c'est poser des bombes, là, par contre. Mais par contre, il fallait que l'adolescente, elle, allemande, à l'époque, elle pose des bombes contre à Gdansk, etc., contre ses supérieurs, alors qu'elle avait 15 ans. Enfin, je sais pas, c'est... je sais pas comment dire. C'est assez fortillant qu'on a mis en hôpital psychiatrique. Hein. Je crois que c'est pas lui qu'on aurait dû mettre, c'est peut-être d'autres gens. Mais... Ouais, je pense aussi, ouais. Quelqu'un d'autre sur tout ça? Pas spécialement? Bah, bon, moi... ouais, Fulbert? Bon, je me demande s'ils n'ont pas enclenché un mécanisme, j'en suis même certain dans le fond, hein, s'ils n'ont pas enclenché, ces cons juifs, un mécanisme paradoxal. Parce que je crois que tant qu'il y aura des juifs sur cette planète, hein, on trouvera des nazis pour les enculer. Parce qu'ils sont insupportables et ils vont les créer eux-mêmes. Oui, bah, comme disait le professeur Roger Domergue, hein, l'antisémitisme est spécifiquement dans le juif. Bah oui. C'est le relayant Bernard Lazare, ce qu'avait dit Bernard Lazare, qui est juif lui-même également. Oui, il y a, de... L'antisémitisme, c'est cause, dans son bouquin. Ah oui, bah, la cause de l'antisémitisme, c'est le juif. Domer, lui, disait que le problème, c'est pas le juif, c'est la circoncision qu'il subit qui fait que le juif a un comportement de juif, quoi. Oui, enfin, ça, c'est la cause qui prête, qui est sujette à caution, à mon sens, mais en tout cas, la description qu'il fait de l'attitude des juifs comme groupe ethnique est tout à fait juste. Je veux dire, il n'est pas le seul d'ailleurs à l'avoir fait. Hein. D'ailleurs, il y a Vincent Renoir hein, qui vend un livre Pourquoi Hitler était-il antisémite. Je pense que c'est une lecture à recommander. C'est pourquoi, effectivement, Adolf Hitler était-il antisémite. On avait ici, dans une émission, hein, fait une émission spéciale sur. On avait lu un des premiers discours d'Adolf Hitler, un très bon discours qui s'appelait « Pourquoi nous sommes antisémites ?» qui avait été prononcé, je crois, en 1920 ou 21, dans lequel il explique déjà, il apporte déjà des réponses très solides à la raison de son antisémitisme, qui est un antisémitisme de raison, hein, pas du tout, contrairement à ce que disent les médias, évidemment, contrôlés, bah, toujours par les mêmes, le fruit d'une irrationalité compulsive, d'hallucination, etc. Non, depuis des millénaires, il y a trop de gens, en fait, tous les pays, qui sont parvenus aux mêmes conclusions pour ne pas être victimes des mêmes hallucinations. Hein. Non, ils sont victimes des mêmes gens, en revanche. Oui, j'ai même des petits textes médiévaux que j'ai chiné à droite à gauche, où ça se plaignait déjà quand même pas mal des juifs, quoi, pour des raisons très concrètes. Oui. Tout à fait. Quelqu'un d'autre sur tout ça avant qu'on se sépare? Non? D'accord. Bah, à la semaine prochaine, les amis. À la semaine prochaine. Salut.